La semaine commence bien, du soleil pour tout le monde. Ce sera un peu nuageux sur la pointe bretonne. Un lundi marqué par une nouvelle vague de chaleur, jusqu'à 31 degrés attendus à Rennes, Strasbourg, Tours et Montpellier cet après-midi. 32 à Paris, jusqu'à 36 du côté de Bordeaux. La fermeture d'Alstom à Belfort d'ici à 2018, un dossier épineux sur lequel vont se pencher ce matin François Hollande et Manuel Valls. Réunion à 8h30 à l'Elysée en présence des ministres concernés. Le constructeur ferroviaire a annoncé mercredi l'arrêt de la production de locomotives, sur son site de Belfort où 400 emplois pourraient disparaître. Un dossier hautement politique et glissant à quelques mois de la présidentielle. La menace terroriste toujours maximale en France. Samedi, un mineur soupçonné de pouvoir passer à l'acte a été interpellé à Paris. Une arrestation en lien avec un djihadiste français déjà au cœur de l'enquête sur le fameux commando de femmes démantelé la semaine dernière. L'adolescent de 15 ans était assigné à résidence depuis le mois d'avril. Aux États-Unis, l'état de santé d'Hillary Clinton très commenté hier. La candidate à la présidentielle américaine a fait un malaise alors qu'elle assistait aux commémorations du 11 septembre à New York. Une vidéo la montrant s'effondrer à la sortie de la cérémonie a fait le tour du web hier. Son médecin a annoncé qu'elle souffrait d'une pneumonie. Son déplacement prévu aujourd'hui et demain en Californie a été annulé. Le football et l'entrée fracassante de Mario Balotelli en Ligue 1 pour son premier match sous le maillot niçois. L'attaquant italien a marqué 2 buts hier soir face à Marseille en clôture de la 4e journée. Score final 3-2, victoire qui permet à Nice de prendre la tête du championnat à égalité avec Monaco, vainqueur de Lille samedi. Deux autres rencontres se jouaient également hier. Rennes a battu Caen 2-0, Metz s'est imposé 3-0 à Nantes. En tennis, la victoire de Stan Wawrinka cette nuit en finale de l'US Open face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le Suisse de 31 ans s'est imposé en 4-7, c'est son 3e titre du Grand Chelem. Déception en revanche pour les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui ont échoué de peu en finale du double dames face à l'Américaine Bethany Matek Sands et la Tchèque Lucie Safarova. La suite des Jeux Paralympiques de Rio avec 4 nouvelles médailles pour la France. Des breloques de bronze remportées hier aux 400 mètres en aviron, au triathlon et en tennis de table. La France est 20e au tableau des médailles. Et puis le meilleur de la playlist de Virgin Tonic réunit sur 3 CD, 66 titres disponibles également dès vendredi en digital. La compilation Virgin Tonic saison 2016-2017 avec Sia, Imani, Major Lazer, The Avenger, Synapson, Calvin Harris, Jonas Blue, Jane et bien d'autres. Très bon réveil à tous tout de suite. C'est Virgin Tonic, Camille Combat, Laure, Pauline et Clément jusqu'à 9h. Je suis Camille de Rouen, nous sommes le lundi 12 septembre et aujourd'hui c'est mon jour de repos, alors j'en profite pour ne rien faire. Je déclare l'émission ouverte. Bonjour la France ! Bonjour ! Oh là là là là, Camille, la honte, un prénom de garçon ! Non, Camille, c'est une fille. Non, c'est Camille, d'abord c'était des garçons, après vous nous avez piqué le prénom. Non, c'était des filles qui passaient comme ça d'abord. Non, ça m'étonnerait. Ginger, réseaux sociaux. Ginger est toujours sur internet, vous le savez. Ma Ginger, tout de suite, ma chérie, déjà bonjour. Bonjour. T'as passé un bon week-end ? Très bien, merci vous-même. Super, je t'en prie. Ma Ginger, on va voir l'origine du prénom Camille. Est-ce que tu peux me retrouver si d'abord c'est des garçons ou des filles ? Mais je suis sûr que c'est des garçons. Ah bah oui. Sinon ma mère, elle m'a menti. C'est des filles. Mais non, ouais, c'est sûr. On verra ça, Camille, la fille. La honte, j'aime pas les filles, ça donne des maladies. Et alors, que là aussi, ça va malheur. Salut, ça va et vous ? Ouais, ça va super, quoi neuf. Bah écoute, j'ai passé un bon week-end. Un bon week-end, j'ai fait une grosse gaffe, mais sympa. Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai emmené la fille de Juju à un anniversaire, dimanche, mais c'était samedi. Oh, elle a quel âge ? Elle a 8 ans. Oh, c'est dur. C'est très mal vécu la chose. Ah, oh, c'est horrible, mais ça a été la pire des belles-mères alors. J'ai tout fait pour me rattraper, mais elle m'en veut encore. Oh là là, ça y est. Tu sais ce que t'es ? T'es une belle doche. Ouais. Ça y est, t'es la belle doche. La marâtre. Ah, la marâtre. Mais voilà, qu'est-ce qu'il est beau, lui. Alors, comment ça va ? Ça va très bien. Moi, comme un week-end festif, j'avais rien prévu. Et je me suis retrouvé à Lille samedi, dans un train, à boire des coups. C'était très sympa. J'ai pas pu accompagner Clément à Lille. Et normalement, j'y vais avec lui, mais là, je pouvais pas. Rapport au fait qu'on est déjà décidé 10 minutes avant de partir, quoi. Ouais. plus rapport à la vie de couple. La demande d'aval, bien sûr. Hein, que je dois faire un mail à elle, mes beaux-parents, co-signer, bien sûr. Tu auras une autorisation de sortir du territoire. Pour avoir l'autorisation de venir avec les copains. Et puis, il y a la propos du standard. Et oui, coucou. Comment elle va, celle-ci? Bah, elle va très bien, mais elle a pas vu son chéri ce week-end. Donc, c'était téléphone, mais il arrive pas trop bien à se servir. Allô? Allô, j'ai Willou. Ouais, grosse différence d'âge entre Willou et Pauline. Oui. Mais c'est son nouveau mec. C'est Willou la cartouche. On l'embrasse. Il habite à Bordeaux. Hein. Oui, il habite à Bordeaux. Voilà. Bordeaux même. Bordeaux même. Bordeaux centre. La vieille ville. Oui. Juste à côté. Il a une rue collée. Juste collé. Eh oui, Clément. Non, mais en même temps, il a les téléphones à cadran. C'est pas simple. Quand tu rates le zéro au début, tu sais, faut refaire tout le tour. C'était l'enfer. Ouais. Quand vous appeliez, alors pour les plus jeunes, vous connaissez pas, on avait un téléphone à cadran très long comme ça. Et quand ton pote avait quoi? Avait plus de 3 zéros dans son numéro, t'avais plus vite fait de prendre ton vélo. Tu sais quoi, je prends le vélo, c'est plus rapide. De toute façon, voilà, c'est pas simple. Oui, Pauline. Et il habite rue de la Vache. C'est marrant. Oh, la vache, oui. Ça lui va bien. Je le connais pas encore. Il nous écoute un peu le matin ou pas? Oui, il nous écoute. Alors, des fois, on t'embrasse. On t'embrasse, Willou. Merci de nous écouter. Non, mais il a l'appareil. Il entend bien maintenant. C'est la radio. On passe dans la voiture. Okay, on t'embrasse. Ah, il est gentil. Il est gentil. Est-ce qu'on a des nouvelles du prénom Camille? Le temps de dire bonjour à Nico du bureau. Oui. Salut Nicolas. Ça va? Salut Camille. Super. J'ai passé un week-end pas piqué des hannetons. Avec ma fille, c'était top. Alors, vous avez fait quoi? On est allé à la fête foraine. Ah bien. Eh oui, il y a les fêtes foraines en ce moment. Par contre, à cet âge-là, effectivement, généralement, ils bloquent sur un truc. Là, par exemple, c'était la pêche au canard. Donc, on a fait de la pêche au canard pendant 2 heures, en fait. Ah ouais, mais c'est l'âge, c'est normal. Moi, mon truc préféré, je ne sais pas pourquoi, c'était la maison fantôme. Ah, c'est génial. Ouais. J'adorais ça. Enfin, tu fais 2 tours, t'as compris ce que c'était quand même. Ah non. Bah, tu vois, non. Non, jusqu'à 11, 12 ans, tu peux le faire toute la soirée. C'était mon truc préféré. T'aimais quoi, toi, dans une fête foraine, Camille? Moi, le palais des glaces. Ah ouais? Oh non. C'était quoi? Partout, tu sais pas où t'es, c'est génial, moi j'adore. Moi je trichais. Un peu angoissant. Pourquoi? Parce qu'il y avait les pas des gens par terre et en fait tu voyais en fait le labyrinthe quoi. Dans le palais des glaces. Ah, pour ressortir. Oui, pour ressortir. Ah ouais, mais le but c'est que tu te perdes un peu, sinon tu restes 2 secondes et t'as payé 10 euros. Il y avait des miroirs des fois, tu savais pas dans quel sens ils étaient. Eh ben voilà, c'est vrai. Bien sûr, Clément. Moi ce que je préférais c'était les auto-tamponneuses et ça manque tellement que de temps en temps je monte avec Laure en voiture. Je pensais que ce que t'aurais préféré c'était les churros toi. Les barbes à papa. Ah les barbes à papa, j'adore ça. C'est quoi que t'aimais dans les fêtes foraines, Pauline? Le petit train, moi j'ai peur de tout. Donc je mets toujours en caution, je fais ah non mais j'emmène ton enfant et tout. Et j'adore que les trucs pour petits, sinon j'ai trop peur. Mais le petit train c'est quoi? Ça fait le tour du parc en fait. On appelle ça un bus hein. Ce que je préférais c'était monter là où il y avait plein de gens avec une barre en fer et dedans il fallait donner un ticket et le gars il dit merci et tout. C'était trop bien. Bah, le bus, voilà. Ah, c'est super, super, super. Parce que j'ai trop peur de faire le truc où on descend, on arrive en bas au moins 1, il y a plein de carrelages, on monte dans un train et il traverse, il va d'une station à une autre. Le métro. Leur train fantôme là. Elle est tellement mignonne. Tu la mets dans le métro et c'est une fête foraine pour elle. C'est génial. Oui, Clément. Franchement, dans le métro, il ferait des loopings. On serait vachement plus content de prendre le transport. Ah oui, grave. Bah oui, bien sûr, oui, Pauline. La dernière fois, je suis montée devant, avec le conducteur. Dans le métro? Oui, parce que j'étais avec une copine enceinte, et on a le droit quand t'es avec quelqu'un qui est en... Bah, si elle est enceinte, t'as le conducteur. Une fille enceinte, elle a le droit de monter à l'avant? Ouais. Mais quelle est la raison? Il y a aucune... Parce qu'en fait, bah, quand t'as beaucoup d'affluence dans le métro... Là, à un moment donné, alors je sais qu'il y en a beaucoup, on a de nombreuses femmes enceintes qui nous écoutent le matin... Mm-hmm. Vraiment, il faut vous respecter, il faut vous laisser la place dans le métro. Mais il y a un moment donné, d'être enceinte, en quoi? Qu'est-ce que ça fait de plus que d'être devant? Mais ces gens, vous êtes enceinte? Ben prenez les clés de ce Rafale. Partez voler directement. Vous voulez aller où? Vous voulez aller où? Au Baléares? Vous prêtez un avion de chasse de l'armée de l'air. Mais vous êtes enceinte, enfin. Et ça devient n'importe quoi. Vous êtes enceinte? Ben prenez les codes de l'arme atomique. Si quelqu'un vous agresse dans la rue, n'hésitez pas, tapez les codes, direct, bim, bombe atomique chez lui. Bonne journée, madame. Et être enceinte, ça donne droit à tout. Mon Dieu, mais un homme a été poignardé. Oui, mais par une femme enceinte. Oh, ça va, ça va. Elle est enceinte. Oh, on peut pas lui en vouloir alors la dame. Non mais ça devient n'importe quoi. Les amis restent avec nous. Camille, tu restes avec nous? Bah oui, moi j'attends la signification du prénom. Exactement. Oui. Dans un instant, on va savoir si les Camilles sont plus des filles ou des garçons. À la base, je sens que c'est des garçons, mais on verra, on verra. Restez avec nous. Et puis je vous ai même pas encore parlé. Ça y est, on entre officiellement. Ça y est, là, on est dans la semaine du plus gros cadeau jamais offert sur une radio. 50 ans de loyer. J-4. J-4. Vendredi matin, 16 septembre, 8h20. On arrête de se marrer. On offre le plus gros chèque qui a jamais été offert sur la radio, peut-être même dans le monde. 50 ans de loyer. Vous vous inscrivez là maintenant, loyer au 7-12-13. Vous êtes peut-être le gagnant du 6h20. Et quoi qu'il arrive, vous êtes inscrit encore. Vous augmentez encore vos chances d'être le gagnant de vendredi matin. Je vous souhaite bonne chance. On est comme des dingues à l'idée de vous faire ce cadeau. Et pour le moment, on va écouter un peu de pop rock électro. Tonic. J'aime le bleu, j'aime les Jonas, Michel Jonas. On va écouter les Jonas Blue tout de suite dans le Virgin Tonic. Excellente matinée à vous tous. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? Don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. You got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. D'être avec nous pour début de semaine, lundi 12 septembre, le Virgin Tonic de retour, bien sûr, oui, toute la semaine, avec l'équipe qui est là et avec notre petite Camille au 39-16 qui a commencé l'émission. Ça va, Camille? Oui, ça va trop bien. Je suis bien avec vous, en fait. Je resterai bien toute la matinée. Bah, t'as un ange, ma chérie. Alors, Camille, on a un gros dilemme. Camille me dit, ouais, à l'origine, Camille, c'est un prénom de fille. Et je suis quasiment sûr, alors ma maman m'a menti depuis que je suis née, que Camille... Alors, aujourd'hui, beaucoup plus de filles, Camille, que de garçons. Ouais. Hein, c'est pas simple à vivre. Mais je crois que vous nous avez piqué notre prénom. Ginger a fait des recherches. J'ai fait des recherches. Alors. Je suis sur wikipedia.org. Le nom Wikipédia, Camille... Quoi. Le nom Camille prend son origine dans le latin Camillus, signifiant serviteur de l'hôtel ou enfant. D'accord, de cœur. Juste la réponse ou on va voir. Il est à l'origine un prénom masculin et sa forme féminine c'est Camillette. Ouais, à l'époque. Et voilà. Alors Camillette, on fait moi la maline. Oh, ça va. Il n'a pas toujours assumé, je suis sûr. Donc, alors. Les filles, vous avez fait une OPA agressive sur mon prénom. À la base, c'était un prénom de garçon. Okay, c'est, bon, c'est la faute de nos parents. Bah oui, mais c'est quand même bizarre. Ouais. Aujourd'hui, je suis obligé de mettre des dessous féminins et tout pour assumer le prénom. C'est compliqué. Clément. Bien, on fait pareil, on prend un prénom féminin et maintenant on appelle tous les garçons comme ça, genre Sophie. Et dans quelques années, tous les mecs s'appelleront Sophie. Est-ce qu'on lancerait pas un truc? Tu sais quoi? à partir jusqu'à la fin de la matinée, Nico, tu deviens Corinne du bureau. Avec plaisir. Merci Corinne. En plus, toutes les Corinnes, j'ai vraiment des cheveux courts, donc ça m'a très... Exactement. Corinne, dorénavant, c'est Corinne du bureau. Il n'y a aucune raison. Okay. Mais c'est normal. Et qu'à un moment donné, on vous pique un prénom aussi. Je t'embrasse, ma Camille. Oui, Corinne, ça me va. Moi aussi, je vous embrasse. Bisous. Et, bisous. Et rends-moi mon prénom. Reste avec nous sur Virgin Radio. On écoute Elpi ? Allez. Oui. Allez, je le dédicace à Corinne du bureau. C'est parfait. Merci. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. Aujourd'hui, j'espère que ça va aller. Je sais que c'est pas facile hein, de démarrer les semaines à cette heure-ci, un peu de mal à vous réveiller. On est là pour ça, pour vous donner un coup de main. On pense à vous tous et on a un loyer à vous offrir, le tout premier, ça y est, déjà de la semaine. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Et c'est The Chainsmokers qu'on va écouter dans un instant. Pas le meilleur extrait, hein. Le morceau est génial, là l'extrait est pas top, mais c'est vraiment formidable ce morceau. C'est pas celui auquel tu penses, c'est un nouveau encore. Oh bah, je me suis même pas habitué au premier, ils sont déjà au nouveau. Pensez aux ringards, les Chainsmokers, à tout de suite sur Virgin. De 6h à 9h, Camille Combal est dans Virgin Tony. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, vous pouvez anticiper les démarches liées à votre déménagement. Vous pouvez par exemple souscrire votre contrat d'électricité à tout moment jusqu'à 2 mois à l'avance sur le site edf.fr. Et maintenant, c'est même possible sur votre mobile. Simplifier votre déménagement, ça fait aussi partie des engagements EDF et moi. Plus d'informations sur nos services sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Découvrez toute l'émotion de poser vos mains sur le volant d'une BMW. En ce moment, la BMW série 1 est à partir de 275€ par mois, sans apport, avec entretien et extension de garantie. Alors cédez à vos envies.

c'est très important. On accepte Virgin Radio, on accepte Virgin Radio. Oui, oui, oui, oui, c'est oui, comptabilisé. C'est mon cœur qui va à 1000 à l'heure. Oh, t'es un ange, ma petite chérie. Ah, tu fais quoi à cette heure-ci? T'es quoi? T'es routier, infirmière? Tu es quoi? Infirmière. Et voilà. Ouais, voilà. Et oui. Et à cette heure-ci, les infirmières, les aides-soignantes, nombreuses hein, qui nous écoutent. Bon, on est ravis de te faire ce cadeau. Virginie, prends un double appel. Hein, non, non, c'est le cœur du patient qui bat à côté. Vite, interviens. Voilà, il a pas l'air en forme, monsieur Goubert. En plus, il a pas mangé sa compote. Il a pas touché à sa compote, monsieur Goubert. Ah, oui, j'entendais plus. Ben oui, oui. Non, mais parle à ton père, hein, si tu veux. Non, ne t'inquiète pas, Bavi, nous ça arrive, il n'y a aucun souci. T'habites quelle région? En Bretagne. En Bretagne, t'as un loyer de combien? De 1086 euros. 1086 euros, eh ben tu sais quoi, c'est gagné, ma belle. On te fait tout de suite un chèque. Alors, du montant, vous dépensez l'argent comme vous voulez, bien sûr. Hein. C'est génial, c'est un truc de fou. T'es contente, ma vie, nous? En plus, oh oui, je suis ravie. T'es tiré au sort pendant une semaine exceptionnelle, puisque ça y est, on est maintenant à 4 jours à peine. 50 ans de loyer. J-4. Ma chérie, forcément, vous tous hein, qui nous écoutez aussi, qui n'avez pas eu la chance encore d'être tirés au sort, vous êtes tous inscrits. Tous les SMS que je reçois pendant 3 semaines vous ont automatiquement inscrit pour le tirage au sort de vendredi. Ça y est, c'est la dernière semaine, dernière ligne droite, vendredi matin, 8h20. 50 ans de loyer. Donc avec le loyer que tu as, 1086 euros, si je te reprends au téléphone, on te fera un chèque, Pauline, de combien? Eh ben, de pas mal d'argent. Ah, ah, 600 000. Et de 654 000. Ah ouais. Et oui, c'est énorme. Sans calculette, hein, de tête. Ah, je suis une bécane, je suis une machine. Texas Instruments, on m'appelle dans le milieu. Ma petite Vinou, je suis ravie vraiment. Embrasse tout ton service hospitalier là où tu travailles. On te fait des gros bisous et félicitations, d'accord? Oh, merci, merci. Super. Bah, t'es un ange. Merci, ma belle. On te fait plein de bisous. Première gagnante de la semaine. Et tout le monde est heureux de l'entendre. Elle est tellement heureuse de notre petite Vinou. Elle est 7h20, 8h20 encore de tirage. Et tout de suite, c'est The Chainsmokers. Alors, c'est le nouveau, hein? Oui. C'est Closer. On écoute ça tout de suite. Bienvenue sur Virgin Radio. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, and now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate. Tous sur Virgin, c'est lundi aujourd'hui. Courage pour cette nouvelle semaine. Virgin Tonic, c'est 6h-9h chaque matin à vos côtés avec Laure, avec Pauline. Salut, au standard 3916 pour nous joindre et Clément Lincruste. Bonjour. Et alors, on est comme vous tous quand vous arrivez au bureau. Au fur et à mesure, on se raconte notre week-end, hein, à l'antenne et hors antenne. Ah mais ça, et... on n'est pas obligé de le dire. Bah si. On en apprend au fur et à mesure. Clément nous dit, je suis parti à Lille, je devais aller avec lui, j'ai pas pu. Ouais. Il est parti tout seul. Et au bout d'un petit moment, qui nous dit pas, Clément. J'ai rencontré l'être aimé, je suis amoureux, je suis sur le point de me marier. Mais pas du tout, je vais pas parler. Elle était au bout du bar et tout, je l'ai juste dit que j'avais vu. J'en fais trop. Voilà, non, j'ai dit, j'ai vu une fille vraiment à mon goût, il y a eu un petit échange de regards. Et pour ben, tout vous raconter, vous êtes en train de me dire pourquoi t'es pas allé la voir. Ben, parce que je sais pas si elle est célib ou pas. Ou, oui. Et je savais pas, il y a eu des regards. Tu sais, genre, on mais sachez bonjour, alors, on si, s'aime vous, bien. Si vous nous écoutez peut-être pour la première fois. Clément, déjà, pour nous qui échange des regards avec une fille, pour nous, il y a épousaille. C'est énorme, c'est déjà énorme. On a jamais, il a jamais été aussi proche d'une femme de sa vie. Ouais, voilà. Une femme a regardé Clément. En 92, quand même, j'ai fait un bisou. Une femme a regardé Clément, c'est un grand moment pour nous. Et j'ai la musique de Fort Boyard pour illustrer ça. Bon, la musique de Fort Boyard. Après, il faut dire que je suis arrivé nu dans le bar. Et puis, non, mais je sais pas du tout. J'ai besoin de vos conseils. Alors, si on se dit tout, ce dont on parlait là, puisqu'on part. Parce qu'on continue la discussion en antenne. Est-ce qu'à votre avis, elle est maquée ou pas? Elle m'a regardé, elle m'a souri. Ah oui. Mais il y a des signes. Hein, t'as son savoir. Facebook? J'ai même pas son prénom. Ah ouais. Donc c'est tu Julie vas sur ou son Julia, Facebook. Plus, ouais. Ça en fait beaucoup sur Facebook. Oui. Tu vas sur son Facebook, photo d'un chat en photo de profil, ça veut dire célib. Ouais, tu m'étonnes, mais ça veut dire chiante aussi, peut-être. Non, pas forcément, du tout, Laure. Non, mais par exemple, en live, il y a des signes pour voir si elle est célib ou pas célib. C'est si, quoi bah, si par exemple, elle touchait ses cheveux pendant qu'elle lui parlait. Oui. Ouais. Bon, alors déjà, ça c'est pas mal. Ah, enfin, oui. Pendant qu'elle me parlait, on était un groupe, hein, elle me parlait pas à moi direct. Il y a les cheveux et il y a offrir sa nuque. Ouais, exactement. Non, mais en vrai, de montrer. Non, mais c'est presque animal, c'est sans s'en rendre compte. Le langage du corps. Mais quelqu'un à qui on offre un peu sa nuque, c'est dans le langage du corps, ça veut dire qu'il y a ouverture, Clément. Ah, je crois qu'elle va pas offrir sa nuque. On va prendre une fille au standard aussi. Tiens, Mathilde. Bonjour, Mathilde. Bonjour tout le monde. Salut. Mathilde, bonjour. Comment, selon toi, on peut savoir si t'es célibataire ou si le copine à toi est célibataire? Ben moi, c'est si il ou elle traîne toujours avec son ex et que c'est devenu son meilleur pote. Ou sa meilleure pote. Ouais, oui. Non, mais là, elle était qu'avec des filles. Ah, c'est peut-être bon signe aussi, soirée fille. Ouais. Hein. Popo au standard. Maintenant que je suis en couple, je ne traîne plus avec mes ex. Alors qu'avant, c'était mes super potes. Et voilà. Je ne peux plus, c'est terminé. C'est quand j'étais célib que je pouvais me permettre d'être pote. Oui, tu peux pas. Traîner avec tes ex, c'est difficile. Ah, ça, je suis d'accord. Après, elle roulait des pelles à ses copines, donc non, c'est pas vrai. Épouse-la. Présente-la. Comment remarquer, c'est une très bonne question, ouais. Comment remarquer si une fille est célibataire, Laure? Bah, quand elle est célibataire, en général, elle reçoit beaucoup de SMS. Ah, en soirée. Oh là là, très bon signe. Ouais. Laure. Très si bon par ça. Exemple, elle sourit avant d'ouvrir le SMS, c'est genre, bon, elle a des targets, quoi. Mais elle est Bah non, Laure, je réfléchis en même temps que tu parles, en fait, tu fais des bêtises. Pourquoi? Une fille qui est souvent sur son portable, c'est qu'elle a un mec, Pauline au standard. Exactement ce que j'allais dire. Si la soirée, elle n'a pas regardé son portable, c'est qu'elle est célib. Ouais, non, je pense aussi. Mathilde, Pauline et moi, on est d'accord. Laure n'est pas d'accord, mais je vais vous dire un truc, on s'en moque. Parce que, non, très bon. Clément, est-ce qu'elle a beaucoup regardé son téléphone? On captait pas, donc elle a pas du tout regardé son téléphone. Mais ça veut dire qu'elle est célib. Peut-être. Il pleuvait cette nuit-là sur l'île. Nous n'arrivions pas à savoir si Julie ou Julia étaient célibataires. Les factures s'empilaient sur le bureau. Et l'enquête piétinée. Qu'est-ce qu'il y a alors? Moi, je ne suis pas célibataire. Je suis sereine en couple. Je n'ai pas besoin de regarder mon portable toutes les 5 minutes. Une fille qui regarde son portable toutes les 5 minutes, c'est une fille inquiète. Donc, célibataire. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Mais bon, il y a ça. Alors, il y a le côté, il y a la nuit de toucher les cheveux. Ça a été des bons conseils, mon Clément. Ouais. Pauline au standard. Il y a un autre signe qui ne trompe pas. Moi, je sais que je le fais quand je suis célibataire, malgré moi, mes copines me le font remarquer. Même quand je parle à quelqu'un, je regarde un peu autour. Donc, elle est un peu en chasse. Ouais. Est-ce que quand elle parle à quelqu'un, elle regardait au-dessus de l'épaule de la personne? Bah oui, on s'est regardé toute la soirée. Eh ben oui. Alors, ça veut dire célib. Tu vois, Laure, on sent que ça fait longtemps que t'as pas été célib. Ouais. Alors que là, Popo, on sent qu'il y a eu de la chasse. Il y a un sang qui a eu de la chasse. Alors que Ginger, elle chasse que les Pokémon. Donc ça, vous pourrez pas l'idée. Il y a un mec qui aime bien en boîte, elle lui envoie une Pokéball. Ok, tu es à moi maintenant, mon Pikachu. J'ai à la maison. Mathilde, je t'embrasse très très fort. Reste avec nous sur Virgin, c'est parti. Du pop rock électro, celui que vous aimez, qui vous aide à bien démarrer vos journées, c'est Justin Timberlake dans un instant. On revient juste après l'actu, on est là à vos côtés, on part pas. Les infos Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, nouveau pic de chaleur aujourd'hui sur toute la France. Du soleil quasiment partout, ce sera nuageux sur la pointe du Finistère. Les températures s'affolent de nouveau. 30 degrés attendus à la Vallée Amiens, 32 à Paris, 33 à Lyon, jusqu'à 37 dans le sud-ouest. Une réunion interministérielle autour de François Hollande et Manuel Valls ce matin à l'Elysée sur le dossier Alstom. Le constructeur ferroviaire a annoncé mercredi l'arrêt de sa production de locomotives sur son site de Belfort. 400 emplois sont menacés. Un sujet très sensible à quelques mois de la présidentielle. À ce propos, les codes de satisfaction de François Hollande et Manuel Valls enregistrent une légère hausse en septembre avec respectivement 19 et 23% d'opinions positives selon un sondage OpinionWay pour LCI. Christiane Taubira à la une de Libération ce matin. L'ancienne garde des Sceaux sort du silence et annonce qu'elle va s'engager dans la campagne pour l'élection présidentielle. Reste à savoir de quelle manière. Pour Christiane Taubira, la gauche doit se réconcilier et rassembler ses forces pour 2017. Une nouvelle réforme en vue à l'université. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, annonce dans les Échos ce matin une remise à plat du processus de recrutement pour les masters afin que tout titulaire de licence se voit proposer une poursuite d'études en master s'il le souhaite. Réforme qui serait applicable dès la rentrée 2017. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Hillary Clinton, prise d'un malaise à la sortie des commémorations du 11 septembre à New York. Après plusieurs heures de spéculation sur son état de santé, son équipe de campagne a finalement annoncé que la candidate à la présidentielle souffrait d'une pneumonie. Son déplacement prévu aujourd'hui et demain en Californie a été annulé. Événement en télé avec l'arrivée de Yann Barthès sur TMC. L'animateur a emmené toute son équipe du Petit Journal sur la chaîne du groupe TF1 pour un nouveau rendez-vous baptisé Quotidien. Une émission qui mélangera humour et actualité. C'est à partir d'aujourd'hui à 19h10 donc sur TMC. Le football du grand Balotelli pour son premier match en Ligue 1. L'attaquant italien a réalisé un doublé avec l'OGC Nice hier soir face à Marseille en clôture de la quatrième journée. Victoire 3 buts à 2. Nice s'installe en tête du championnat avec Monaco. Succès hier aussi de Metz et Rennes face à Nantes et Caen. En tennis, l'US Open 2016 remporté cette nuit par Stan Wawrinka. Le Suisse de 31 ans s'est imposé en 4-7 face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Et puis 4 médailles supplémentaires pour la France hier aux Jeux Paralympiques de Rio. Et des médailles de bronze en tennis de table, en aviron, en triathlon ainsi qu'aux 400 mètres. Très bon réveil. Vous retrouvez Camille Combal sur Virgin Radio. Et à vous tous les amis, merci d'être là sur Virgin Radio. 6h33 déjà, ça passe à une vitesse folle. On est reparti, c'est lundi, je sais que c'est pas simple de se réveiller. Nous en tout cas, on est là pour vous, on est très heureux d'être à vos côtés. Courage à ceux qui sont en voiture, mais vous êtes encore nombreux, je le sais, à nous écouter là, sous la douche, en voiture. Attention, on règle la température, vous connaissez la douche, hein. 1 mm, c'est 402 degrés. Et très prudent, très très très prudent. Votre femme tire la chasse d'eau, boum, ébouillantée. C'est aussi simple que ça. Tiens, qui est en cours? On a la popo, on a l'or. Oui. Est-ce que vous donnez un surnom à votre chérie? Oui. C'est quoi? L'ancien? Non, non. Il est proche. Non, lapin. Lapin, et toi alors? Écoute, nous on a un surnom tous les deux qui est venu tout seul, c'est Vima. Il m'appelle Vima, je l'appelle Vima. C'est ma vie envers elle. C'est génial, on reste jeune. C'est mignon. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ah, quoi? Oui. C'est ringard. Selon une réelle étude, et peut-être vous tous qui nous écoutez en couple, l'utilisation répétitive d'un surnom, Vima, tout ça, dans un couple, conduit à l'infidélité et la séparation. Ça m'étonne pas. Un Français sur quatre qui utilise « mon cœur » comme surnom pour sa partenaire finit par commettre l'adultère. Oh non! Eh ouais, c'est fou, hein, Laure. Mais ça ne m'étonne pas une seule seconde. Moi, j'aime pas trop les surnoms. Genre, on en a un de temps en temps comme ça et déjà, on le change, c'est jamais le même. Et je l'appelle par son prénom parce qu'on oublie avec qui on est. Oui. Et ça crée un espèce de rapport d'habitude et de bon, bah c'est acquis, quoi. Pareil, moi, je fais attention. Par exemple, ma chérie, en ce moment, elle se fait draguer par un certain Vima. Ouais. J'aime pas trop ça. On se vengera, Camille. Les amis, sur Virgin, vous le savez, c'est le pauvre rock électro de Justin qui arrive. Mais pour le moment, le réponse à tout de Clément Lacruste. Virgin, réponse à tout. Eh oui les enfants, réponse à tout. J'ai même pas encore eu le temps de vous parler juste avant mon Clément, excuse-moi, de tous les cadeaux qu'on vous offrait parce qu'il faut nous appeler maintenant au 3916. On va jouer avec vous dans pas longtemps. On vous offrira une tablette tactile Polaroid. Trop bien. Très très très belle tablette. Et puis surtout, on vous offre des iPhone 7. Cette semaine. La classe. énorme. Alors, on en a rigolé la semaine passée. Alors, on va être honnête avec vous. Forcément, on ne les a pas encore. Parce que, c'est le principe de l'iPhone. Il sortira, je crois, vendredi. Donc, on les précommande dès aujourd'hui. Ça veut dire que vous les recevrez le jour même de la sortie. Vous aurez votre iPhone 7 chez vous. Ils vous l'enverront directement chez vous. N'hésitez pas, on gagnera ça tous les matins dans le Virgin Tonic. Clément, t'es allé dans la rue poser des questions aux enfants. Exactement, je leur ai demandé comment faire pour être un mec branché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être super branché? Qu'est-ce qu'on entend par branché? À la mode. On s'habille bien. Faut être comme moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire branché. Enfin, branché. C'est-à-dire bien habillé, avoir des amis, être gentil. Et surtout, faut être beau gosse. Parce que si on n'est pas beau gosse, ben, on n'est pas branché. Faut être un peu genre connu de tout le monde. Faut avoir une bonne notoriété. Sentir bon, avoir une bonne odeur, une belle coupe. Pour être branché, faut faire quoi? Faut être bien sapé, genre avoir des beaux habits, être genre coordonner ses fringues, genre pas mettre des couleurs qui vont pas ensemble. Faut avoir des amis et faut pas se la péter parce qu'après c'est plus crédible. Réponse à tout. Merci les enfants de jouer le jeu chaque matin avec nous. L'équipe, on reste tous ensemble dans instant. Tablette à gagner, 3916 pour nous joindre. C'est le grand retour du jeu du qui dit mieux. Vous allez faire des enchères sur le nombre de bonnes réponses que vous pensez avoir. On joue à ça juste après Justin Timberlake. Excellent réveil, courage à vous tous, c'est lundi. Virgin Tonic. Got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, sur Virgin Radio, c'est lundi. Le 12 septembre, déjà, les amis, déjà. Eh oui, on est déjà à quelques jours à peine de ces 50 ans de loyer, mais c'est pas les seuls cadeaux qu'on vous offre chaque matin avec Laure, avec Clément. Yes. Bonjour. Avec Pauline. Coucou. iPhone 7 à gagner toute la semaine dans le Virgin Tonic, tous les matins. Et pour le moment, un très beau cadeau aussi. Deux personnes vont s'affronter pour repartir avec une tablette. Dernier cri, la tablette Polaroid. Virgin Tonic. Qui dit mieux. On va accueillir Kelly et Godefroy. Salut Godefroy. Salut toute l'équipe. Salut Godefroy, salut Kelly. Salut Camille, salut tout le monde. Salut. Kelly Godefroy, vous allez devoir vous affronter. Attention, dans une ambiance Virgin Tonic, à savoir dans une ambiance fair play. Ok. Ok. Le principe est très simple. Je vais vous faire jouer au qui dit mieux. Un seul des deux repartira avec le beau cadeau. On va vous poser une question. À cette question, vous allez faire des enchères chacun votre tour. Vous avez le droit d'en faire plusieurs sur le nombre de bonnes réponses que vous pensez pouvoir avoir. D'accord ? Celui qui fait la plus grosse enchère devra ensuite répondre. Si vous avez le nombre de bonnes réponses que vous avez prédit, vous gagnez le point. Si vous ne les avez pas, c'est perdu. Le point va à l'autre. D'accord ? Ok. Ok, parfait. Le premier qui a deux points à gagner. Il y a aussi une technique un peu d'esbrouf. Hein. Vous pouvez dire, je pense avoir 10 bonnes réponses, alors que vous ne les avez pas pour que l'autre dise 12 et qu'il se plante. Poker. Ok, il y a du poker. Il y a une partie poker. On peut mettre un peu de musique derrière moi parce que j'ai l'impression d'enterrer une personne. Merci à vous. On y va, c'est parti. La première question, la voici. Attention. Combien de marques de boissons gazeuses pensez-vous pouvoir me citer ? Attention qu'on soit clair tout de suite, hein. Coca, c'est Coca. C'est pas Chéri Coca, Coca Light, Coca Zero, Coca. Ça marche pas. Ok. Ok, je commence avec Kelly. Ma chérie, combien de marques de boissons gazeuses tu penses pouvoir me citer ? 5. Elle a dit combien, 7 ? 5, elle a dit. 5, bah moi je dis 7. 7 ? Kelly ? Oui. Est-ce que tu penses pouvoir battre 7 ? Non, je vais dire 7. 7. Non, mais 7, c'est maintenant, c'est Godefroy. Donc, c'est Godefroy qui prend la main. Mm-hmm. C'est celui qui a fait la plus grosse enchère. Godefroy, c'est à toi. Cite-moi 7 boissons gazeuses. Ok, alors Coca-Cola. Parfait. Fanta, Oasis, Tropico, Schweppes. Tropico, c'est. Oasis et Tropico, c'est pas gazeux. Tropico n'est pas une boisson gazeuse. Oasis non plus. Oh, mais c'est vrai, Oasis non plus. Oh là là, beaucoup de Godefroy. Aïe, aïe, aïe. Déjà un point pour Kelly sans rien faire. J'ai l'impression que Kelly va gagner ce jeu sans avoir compris le jeu. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai l'impression que Kelly, elle est avec nous, mais elle est encore sur l'oreiller. Elle a rien compris ce qu'on est en train de faire et qu'on va lui dire t'as gagné une tablette, t'as gagné le jeu. Elle va raccrocher, elle va dire je sais même pas ce que j'ai fait. Il y a un gars, il a parlé. Ils m'ont dit le point il est à toi, j'ai dit je reçois une tablette, je sais même pas ce qui s'est passé. Non. On y retourne, deuxième enchère, attention, c'est le jeu du qui dit mieux, bienvenue sur Virgin Radio si vous nous rejoignez à l'instant. On joue pour un beau cadeau avec Kelly, avec Godefroy. Attention, nouveau thème, combien d'artistes que l'on passe en ce moment sur Virgin Radio, vous pouvez me citer. Un artiste qu'on ne joue pas en ce moment, je vous contrerai pas le point. Godefroy, d'après toi ? Bah j'irai 2. 2. C'est un fidèle auditeur. Ouais. je vais vous connaître il y a à peine 2 semaines. Eh ben, sois le bienvenu, ça nous fait très plaisir. Ma petite Kelly, combien ? 3. Eh bien, on va voir qui est de qui. Je laisse Kelly. Tu laisses Kelly, très bien. Kelly, 3 artistes qu'on joue en ce moment sur Virgin Radio. Je vois pas comment c'est pas possible. Alors, moi, je dirais Sia. Sia, on joue. Bieber et Major Lazer. Bien sûr. Jane ? Ça fait 3, t'as eu. Et Jane ? Eh ben ça fait 3. T'aurais pas dû laisser la main, Godefroy. C'est gagné, bravo, pour Kelly. Salut, c'est de moi, la Kelly. Bravo, bravo, ma chérie. Tu gagnes une tablette tactile Polaroid pure 10,6 pouces, haute définition et 2 haut-parleurs sans avoir compris un jeu. C'est du jamais vu en radio. Bravo, ma chérie. Je t'embrasse fort. Merci beaucoup. Des bisous à toi, ma belle. Reste avec nous sur Virgin tout de suite. On écoute DJ Snake. Excellent réveil. This is Justin Bieber. This is DJ Snake. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. tous sur Virgin. C'est lundi, c'est le 12 septembre. J'espère que tout va très très bien pour vous. Merci de démarrer vos semaines avec nous. On est là avec Laura, avec Clément, oui. Bonjour. Avec Pauline. Coucou. Tiens, j'ai une info intéressante. Oui. Je pense que vraiment, ça pourrait révolutionner le monde. Ouais. J'ai lu ça dans Cosmo. Des scientifiques viennent d'inventer, un objet qui va sauver la planète et peut-être vous faire grossir. Ah. Il va être créé, on sait que c'est un des gros problèmes pour les déchets, des emballages alimentaires comestibles. Ah, parce que vous ne mangez pas l'alu, vous. En gros, hein, peut-être qu'à terme, quand vous irez au McDo, vous commandez votre Big Mac, il le met dans la boîte, vous pourrez aussi manger la boîte. C'est génial. Ils vont essayer de faire ça. Oui, Laure. C'est juste dégueu, en fait. Bah, ça dépend en quoi c'est fait. Là, aujourd'hui, ce serait du plastique. C'est pas la question. C'est que cet emballage, donc, on va dire, ce plastique est comestible, mais il aura été en contact avec l'extérieur, avec les mains des gens, avec tout ça. C'est dégueu. Alors, je pense, peut-être pas l'emballage qu'on met dans les rayons. Oui. Il gardera un emballage, mais vous savez, je vous dis n'importe quoi. Oui. Une brioche, elle est aussi dans un petit emballage en papier. Ils vont essayer peut-être de créer l'emballage qui soit aussi comestible, comme ça, au moins, on jette déjà beaucoup moins de choses, Clément. Il y a des restos, ça commence à le faire, où tu peux manger l'assiette. C'est un peu comme du. C'est un peu comme du verre. C'est un peu comme de la chips. Un peu dur et tu peux déchirer l'assiette et à la fin il reste plus rien. Ah bon? Ouais. C'est génial. C'est quoi ce resto? Oui, Pauline. Non, moi ce que je trouve génial c'est que même si tu le manges pas, si tu le jettes dans la nature, c'est biodégradable quand même. Eh oui. C'est pour ça que c'est intéressant. Tu le jettes, ça disparaît l'or. Mais il y a aussi des emballages biodégradables. Ah bon quoi? Bah le papier des papiers biodégradables, des emballages biodégradables. Oui, mais on les mange plus longtemps, Nico du bureau. Comme le papier qui est autour des trucs de la vaisselle, tu sais jamais d'ailleurs s'il faut l'enlever ou pas. Ah non. Tu sais sur les tablettes, il faut pas l'enlever. Non, il faut pas. Ça dépend lesquels. Ah bon? Ouais. Merci pour votre réponse. Merci de nous éclairer autant les amis. Dès qu'ils ont des réponses, ils font ça dépend lesquels. Petit One Pilot, Ride, voilà ce qu'on va écouter pour le pop rock électro. N'oubliez pas, 7h20, nouveau loyer à gagner, loyer 7-12-13 par SMS. Inscrivez-vous, profitez-en, augmentez vos chances de gagner ces 50 ans de loyer. C'est l'événement et c'est cette semaine, ça y est, c'est la dernière ligne droite, vendredi matin à 8h20. Chaque SMS, c'est loyer au 7-12-13, bon réveil. Dans 30 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Touch vous sort le grand jeu avec des offres exceptionnelles et une nouvelle Renault Mégane GT à gagner. Alors, à vous de jouer et rendez-vous dans le réseau Renault. French Touch, touche française. Règlement du jeu dans le réseau. Ouverture selon autorisation, voir Renault.fr. Bon, pour la reprise de la Champions League, on attend Bein Sport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur de jeu. Avec deux affiches françaises en exclusivité par journée, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. Darren, les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs, compris? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur Bein Sport. Avec demain, Paris Saint-Germain, Arsenal et mercredi, Olympique Lyonnais Dynamo Zagreb en direct et en exclusivité sur Bein Sport. Voir conditions sur beinsport.com. Tiens, j'ai revendu ma Mini. Non, t'es pas sérieux. Mais pourquoi? J'ai trouvé mieux. N'importe quoi. Ah, ça, c'est pas possible. Toit ouvrant, GPS, Bluetooth, radar de recul. Ok. T'as hérité? Non. 295€ par mois. Mais c'est quelle voiture? La Mini Shoreditch. Ah. D'accord. Vous aussi, surprenez vos amis avec la Mini Shoreditch suréquipée 3 ou 5 portes à partir de 295€ par mois sans apport sur 36 mois, entretien inclus. Exemple pour une Mini One Shoreditch 3 portes en location longue durée valable jusqu'au 31 octobre 2016. Sous réserve d'acceptation par BMW Finance. Détails sur mini.fr. Nouveauté. Virgin Radio. Tu me dis de regarder la vie en couleur. Quand il fait noir autour de moi, sur le dos j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi tu me portais à bout de bras. Non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh oui. C'est toi, on dirait que dans ce monde étrange, on dirait visage. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Soit tellement de messages. Bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être là. C'est lundi, c'est le 12 septembre. L'équipe, ça va toujours. Oui. Un point sur l'actu. Dans un instant, avec tous nos journalistes, la question de ouf. Ça y est, la première de la semaine qui arrive aussi. Dans quelques minutes à peine, on écoutera les messages que vous avez laissés sur notre répondeur. Mais alors, on reçoit, là, c'est sur Internet, partout, que des messages. Des gens, ils sont comme des dingues sur les 50 ans de loyer. Je sais, on aimerait vous faire tous plaisir. On aura un gagnant. Voilà, vendredi matin, puis on offre quand même un mois de loyer. Toutes les heures, notamment à 7h, je disais. Mais c'est un truc de fou, quoi. Ah, c'est incroyable. 800 euros. Heureux, même si je sais que je vais pas gagner, je suis heureux de faire le cadeau. Ça, ça m'embellit la vie. Ouais, 800 euros, c'est un chèque de 480 000 euros. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est. Mais c'est un truc de dingue. Oh là là. Là, ça rend la vie plus belle. Ah, ouais. Oui, Clem. Tu vois, j'ai le même sentiment que quand j'aime bien quelqu'un et je m'aperçois sur Facebook qu'elle vient de se faire larguer ou de se séparer. Ouais. Tu sais, je sais que c'est pas forcément pour moi, mais ça me rend heureux. Je me dis peut-être, ça peut m'arriver. C'est pas cool pour elle, mais t'es content. Ouais. Ouais, voilà. C'est un peu. T'es au feu rouge, tu fais 3, 2, 1 et il passe au vert. Ah, j'adore. Victoire. Ouais. Mais ça te met. Non, mais c'est pas. Ah ouais. Ah ouais. La vie, elle est plus belle. Elle est magnifique. Tu peux être en train de passer un mauvais coup de fil ou quoi. T'es là, tu dis, ouais, mon pote, il m'écoute le feu. Oui, Laure. J'ai fini ma bouteille de lait exactement en même temps que ma dernière capsule de café. Bon, ça m'arrive pas souvent et j'aimerais qu'on me félicite. Oh là là. Ça rend la vie plus belle. Ça rend la vie belle. Venons jouer avec ça. Mm-hmm. On joue ouais. On va lancer un hashtag. On lance un hashtag, attention. Musique de lancement d'hashtag. Je cherche pas de nouvelle musique. Okay. Cassons les clichés. C'est vrai, t'as raison. Ce sera notre musique de hashtag. J'aime bien. Ouais. On lance un hashtag. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer? La vie est plus belle. La vie est plus belle quand? Ok. Dites-nous ouais. Quand la vie est plus belle. À quel moment votre vie elle s'embellit? Pauline au standard. Alors quand on gagne 50 ans de loyer, évidemment. Oui. Mais il y a d'autres petites choses toutes simples qui vous le permettent aussi, Popo. Ben oui, moi j'ai ma rue qui est à 30 degrés. Et donc quand j'arrive à la remonter tout en haut à vélo sans m'arrêter, je suis hyper fière. Ah. Tu sais, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de France et que c'est la fin. Personne m'attend. Quand le peu de fois où je fais du vélo, les très peu de fois, j'ai même les commentateurs du Tour de France en m'attendant. Ah là là, Combal qui entame la remontée au pied du Ventoux. Toujours le pied du Ventoux, t'entends? J'ai besoin, ils me commentent les trucs, quoi. Mais quand je joue au foot, c'est pareil, quoi. J'entends les gars qui font, oh là là, c'est incroyable le niveau de la personne, Combal qui déboule sur le côté droit. Oui, Nico. La vie est plus belle quand t'arrives au McDo et que tu commandes un Royal Cheese et qu'il y a le dernier Royal Cheese qui est dans leur petite truc là, pour garder ben, l'hamburger. En attente, ouais. Et que tu sais que c'est le tien. Ça sera pour toi et que personne ne te le pique. Là, t'es refait. Vous avez toujours le petit regard pour la cuisine, voir s'il a l'air cool. Ah, oui. Vous le faites pas? Non. Si. Au McDo, j'ai toujours le regard pour celui qui cuisine, dire s'il aurait pu cracher dans mon... C'est la seule personne que t'essaies d'analyser au niveau de la tête, voir si c'est quelqu'un qui pourrait cracher dans des aliments. Voilà, tu dis, ah, il a une tête à cracher, lui. Ouais, ouais, il a dû me cracher dans mon sandwich. Oui, Laure. Moi, je fais ça, mais avec les pilotes d'avion. Je regarde toujours sa tête avant de monter. Savoir s'il va te cracher dessus. Qu'est-ce qui rend votre vie un peu plus belle, Stéphane? Sois le bienvenu sur l'antenne. Oui, bonjour Camille. Salut. Comment allez-vous? Ça va très très bien, mon pote. On va s'amuser avec ça toute la matinée. Hein. Réagissez Facebook, Twitter, Snapchat, partout. La vie est plus belle quand. Ah, j'adore. La vie est plus belle quand. La vie est plus belle quand. Oui, tu fais tourner ton stylo, regarde. Et hop, tu réussis la petite tournée. Et ouais, c'est génial. C'est quoi, toi, Steph? Moi, Steph, c'est tous les matins quand j'emmène mes enfants à l'école. C'est juste sur le pile poil sur quand la cloche elle sonne. Ouais. Devant la grille, ça sonne. Je dépose les enfants. Et du coup, c'est pour éviter que me faire engueuler par la directrice et direct par la même occasion par ma femme, quoi, tous les matins. Vous faites engueuler par la directrice quand les enfants ils sont en retard ou pas? Et moi, j'ai hyper peur. Certaines, c'est une fois ça passe, deux fois c'est tout juste, mais bon, à la troisième, ça commence à râler, quoi. C'est comme au collégien, en fait. Ouais. Une fois, ça passe, j'ai un mot de ma femme. Deux fois, ça commence à gueuler. C'est pas bon, quoi. Il y avait les bouchons sur la route. Bon, voilà, il y a du monde. Et voilà, c'est souvent, bon, au dernier moment... On se dépêche, quoi. On essaie de courir, quoi. Nico du bureau, qui est papa aussi. Ouais, je comprends, Stéphane. Il faut vraiment être pile poil au bon moment. Parce que si tu la déposes trop tôt, tu te fais engueuler par ta fille parce que c'est trop tôt. Et si c'est trop tard, non, pire. Il faut lui parler. Ouais. C'est ça. Bon, on leur tient la conversation, on les occupe. Rester devant la grille à attendre que ça ouvre, c'est pas spécialement le mieux, quoi. Moi, bah, bien sûr. Cécile, t'es maman, toi? Oui, je suis maman. Et est-ce que toi aussi, t'as des petits moments où ta vie, elle est plus belle? Ah oui, bah déjà, franchement, le petit détail qui rend ma vie plus belle, c'est vraiment quand je vous ai au téléphone. Toute l'équipe, vous êtes super. Non, mais t'es sympa, toi, t'es sympa. Mais aussi, il y a vraiment quelque chose qui me rend vraiment heureuse. C'est quand j'arrive dans mon garage, tu sais, j'ai un détecteur de lumière. Et en fait, je ne fais qu'un mètre cinquante. Mais quand il me détecte et puis qu'il se met en route, là, ça me rend vraiment heureuse. Et dès que moi, je triche, je remue un peu les bras en l'air, mais seulement quand je suis toute seule. Quand ton détecteur de lumière te repère, parce que t'es trop petite sinon? Bah, tu vois bien, mettre 50, le détecteur, il détecte pas toujours, en fait. C'est génial. Alors, quand il arrive à me détecter sans que j'ai besoin de remuer les bras, là, je suis vraiment trop heureuse. C'est une victoire, oui, Clément. J'ai vu hier un enfant qui voulait rentrer dans une boutique avec les portes automatiques et qui était devant, mais qui était trop petit ou pas assez lourd et qui n'arrivait pas à rentrer. Et je me suis dit la tristesse de j'existe pas. Donc, je suis arrivé avec mon corps, je suis passé, les portes se sont ouvertes. Ah bah, toi, c'est passé, oui. Les se sont brisées. Restez avec nous sur Virgin. Merci d'être là au 39CC. Cécile, Stéphane, vous restez là. J'ai envie qu'on s'amuse avec ça. Hashtag la vie est plus belle quand. Okay. C'est génial. Dites-nous vous aussi à quel moment pour un petit truc tout bête. Votre vie, elle est plus belle. Et on écoutera 21 Pilots juste après l'actu. Bougez pas, on est là avec vous jusqu'à 9h. Les infos Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, du soleil pour débuter cette nouvelle semaine. Du bleu quasiment partout, ce sera couvert sur la pointe bretonne. Un lundi marqué par une nouvelle vague de chaleur. Jusqu'à 31 degrés attendus à Rennes, Strasbourg, Tours et Montpellier cet après-midi. 32 à Paris, jusqu'à 36 du côté de Bordeaux. La fermeture d'Alstom à Belfort d'ici à 2018, un dossier épineux sur lequel vont se pencher ce matin François Hollande et Manuel Valls. Réunion à 8h30 à l'Elysée en présence des ministres concernés. Le constructeur ferroviaire a annoncé mercredi l'arrêt de sa production de locomotives sur son site de Belfort où 400 emplois pourraient disparaître. Un dossier hautement politique glissant à quelques mois de la présidentielle. La menace terroriste toujours maximale en France. Samedi, un mineur soupçonné d'avoir pouvoir passer à l'acte a été interpellé à Paris. Une arrestation en lien avec un djihadiste français déjà au cœur de l'enquête sur le fameux commando de femmes démantelé la semaine dernière. L'adolescent de 15 ans était assigné à résidence depuis le mois d'avril. Aux États-Unis, l'état de santé d'Hillary Clinton très commenté depuis hier. La candidate à la présidentielle américaine a fait un malaise alors qu'elle assistait aux commémorations du 11 septembre à New York. Une vidéo la montrant s'effondrer à la sortie de la cérémonie a fait le tour du web hier. Son médecin a annoncé qu'elle souffrait d'une pneumonie. Son déplacement prévu aujourd'hui et demain en Californie a été à annuler. Le football et l'entrée fracassante de Mario Balotelli en Ligue 1 pour son premier match sous le maillot niçois. L'attaquant italien marquait 2 buts hier soir face à Marseille en clôture de la 4e journée. Score final 3-2, victoire qui permet à Nice de prendre la tête du championnat. À égalité avec Monaco, vainqueur de Lille samedi. Deux autres rencontres se jouaient également hier. Rennes a battu Caen 2-0, Metz s'est imposé 3-0 à Nantes. Le rugby, La Rochelle toujours aux commandes du top 14 après sa victoire face à Lyon samedi lors de la 4e journée. Hier à Toulon, s'est rassuré en battant Toulouse 32 à 15, victoire également de Grenoble 36 à 23 face à Brive. En tennis, la victoire de Stan Wawrinka cette nuit en finale de l'US Open face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le Suisse de 31 ans s'est imposé en 4-7, c'est son 3e titre du Grand Chelem. Déception en revanche pour les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui ont échoué de peu en finale du double dames. Et puis la suite des Jeux Paralympiques de Rio avec 4 nouvelles médailles pour la France. Des breloques de bronze remportées hier aux 400 mètres en aviron, en triathlon et en tennis de table. La France est 20e au tableau des médailles. C'est tout pour l'actu de ce lundi. Très bon aveil. Vous retrouvez Camille Combal sur Virgin Radio. Pour se réveiller sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Ex- excellent réveil, le Virgin Tonic qui continue lundi 12 septembre aujourd'hui. Il est 7h04, l'équipe est là bien sûr. Oui. J'espère que tout va très bien pour vous. 7h20, qu'est-ce qui se passe? 7h20, on fait. Oh, alors comme chaque jour, on fait gagner un loyer. Mais oui. Pour ça, il faut s'inscrire. C'est la seule équipe. Quoi? Qui, depuis, ça fait 3 ans qu'à 7h20, on offre un loyer. Tu dis, qu'est-ce qui se passe à 7h20? Peut-être on parle de la rentrée, peut-être. T'as un chiffre, un sondage? 7h20, paye votre loyer. Et bien sûr, vous le savez, loyer au 7-12-13 par SMS. Non seulement vous êtes peut-être le gagnant de 7h20, mais en plus, vous êtes inscrit pour un cadeau qui est quand même sympa. Hein. 50 ans de loyer. J-4. Oh là là. 50 ans. Une vie, c'est clair. Une vie. J-4 et moins une vie de fumeur. Une vie de fumeur de loyer. Les amis, inscrivez-vous. Plus gros cadeau jamais offert. Tiens, Pauline, t'as un loyer de combien? 650. Eh ben, elle s'embête pas celle-là. 650, je te ferai un chèque de 390 000 euros. Oh, wow. Merci Camille. Oh là là. Si tu t'inscris, ah oui, si voilà. T'es tiré au sort par toi-même. Voilà. C'est ça. Non, il y aura un contrôle huissier, ah oui, évidemment. Ouais. Tirage automatique. On vous souhaite en tout cas bonne chance à tous. Ça change une vie, ça. Hein. Ah, un petit peu quand même. Vous êtes enceinte, vous m'écoutez là? Oui. Vous gagnez vendredi. Quand votre fils aura 50 ans, vous commencerez à repayer un loyer. Oh là là. Ça me met des frissons. Des frissons. Ouais. Ah, mais non, c'est la fenêtre, bien. Ça. Fenêtre ouverte. Mais le. Ouais, c'est bien. Hein. Attends, c'est dingue. Le plus fou, c'est de se dire qu'on vous fait le chèque et vous le dépensez comme vous voulez. Ah ouais. C'est ça surtout. Vous faites pas genre on vous fait galérer, genre on vous donne un peu, après un peu plus trop, puis on vous redonne. Non, c'est d'un coup, oui, Pauline. Moi, je crois que j'en serai à mon 4e chat dans 50 ans. Pourquoi? Bah, si je gagne, ce sera le 4e chat qui profitera de tout ça. Ouais, t'as de belles ambitions. Ah ouais, c'est joli, oui, clairement. Ça se trouve, on aura eu 10 présidents le temps de repayer un autre loyer, c'est fou, non? Ah ouais. Ouais. Oh là là. Ah ouais, c'est 50 ans finalement. Oui, c'est 21 Pilots, restez avec nous, on écoute Ride, ça c'est pour le pop rock électro, mais avant tout ça, c'est la question de ouf. Question de ouf. La question de ouf, vous laissez tous vos messages sur notre répondeur, vous avez eu tout le week-end Clément. Exactement, la question qu'on vous pose ce matin, c'est quelle est la première question que vous poseriez si vous arriviez au paradis? Excusez-moi, c'est possible d'aller en enfer, hein, parce que là je viens de faire le tour, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte, je crois que je préfère aller en face du coup. En arrivant au paradis, je demanderais si un nuage est confortable ou pas, parce que sinon, faudrait que j'aille chercher mon lit. Si je fais pipi, ça tombe sur qui? Et sinon, l'auréole, c'est obligatoire? Non, parce que ça peut être super pratique pour dormir, en fait. Elle est où, Vanessa? Bah oui, Vanessa Paradis. Ah, désolé, mec. J'ai oublié ma play en bas. Je partirai la chercher? Oui, bonjour, c'est juste pour savoir, on a le droit d'avoir un guide pour visiter? Je poserai la question existentielle que toutes les filles se posent. C'est où les toilettes? Bonjour, vous êtes Saint-Pierre? Est-ce que vous êtes de la famille de Natacha? Question de ouf. Merci pour toutes vos réponses, les amis. Tiens, on l'a pas encore fait, j'ai dit, on le ferait toutes les semaines dans un instant. On note notre week-end. Oh là là. Ah. Ok, 39-16 pour nous joindre. N'hésitez surtout pas. Et puis bien sûr, le pop rock électro que vous aimez. Virgin Tonic. À 7h07, vous tous qui ouvrez encore les yeux, vous tous qui êtes déjà en voiture, c'est 21 Pilots qu'on écoute. Bon réveil. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Tous 7h10, bienvenue sur Virgin Radio. Il avait peut-être pas fini lui en fait. Hein. Autant pour moi. Si tu sois des 21 pilotes. Mais excuse, Callaghan. C'est le 17ème qu'elle a. Cette fois c'est bon. Il a fini. Bon réveil à vous tous. C'est lundi, c'est le 12 septembre. J'espère que tout va bien. Laure, Clément, là bonjour. Du Standard Sans Lendemain. On est parti pour une nouvelle semaine à vos côtés. Courage hein, si vous êtes déjà en voiture pour le travail, si vous préparez le petit déj à la maison. On a désormais un rituel qui est très long qu'à une semaine. Ouais. Où maintenant on se raconte notre week-end et on doit mettre une note. Ouais. Vous croyez que vous alliez couper chacun notre truc? Alors en trois points, on garde trois trucs de notre week-end si on s'en sort pas. Oui, bah oui. Voilà, deux, trois trucs du week-end max. Mmh. Sinon après on n'y arrive plus. Mmh. Et ensuite, quelqu'un met une note, celui qui a la meilleure note gagne rien, mais il est content. Oui. Aurélie est avec nous, 39-16. Salut Aurélie. Oui, bonjour Camille, bonjour l'équipe. Salut. Sois la bienvenue ma belle, on va chacun notre tour raconter notre week-end. Et tu vas nous dire une note à chacun. On va commencer bien sûr par Clément. Ok, je vais faire vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, resto sympa avec des potes, mais j'étais fatigué, je suis rentré assez tôt. Je confirme. Ouais. Mais resto sympa, assez tôt, 3h du matin. Clément, il rentre de plus en plus tôt en soir. Ah oui, 3h du matin. Ah oui, non, c'est vrai. Ouais. Ah, t'es rentré de 3h. Ouais, il était déjà 3h. Mais il faisait beau et c'était sympa. Donc plutôt cool le vendredi. Parce que Clément, on va dans des endroits où il fait beau à 3h du matin. C'est ça qui est beau. Vous comprenez mieux pourquoi il est rentré tôt. Non, mais il faisait super beau, j'ai fait du wakeboard. Mais qu'est-ce que tu racontes? Du coup, samedi, j'étais en forme, donc j'ai fait un aller-retour à Lille avec des amis. Je suis rentré un peu moins tôt, on va dire 7h du mat. J'ai rencontré une fille sublime, on en parlait tout à l'heure, donc plutôt bien. Et dimanche, pépère, j'ai regardé Nantes-Metz et on a perdu 3-0. Donc j'étais un peu dégoûté. J'étais de mauvaise humeur. Une note de ce week-end, Aurélie. Un vendredi soir en ma compagnie, un samedi soir sans ma compagnie à Lille. Pas mal, boire des verres et tout. Mmh. Week-end de fêtard, Clément. Week-end de mec surtout. Hein. Ouais, week-end classique. Et derrière, dimanche canapé. Une note. Sur 10, je donnerais 6 parce que vendredi soir, c'est aller au resto quand même. C'est sympa ça. Oui. Ouais. C'est sur 10. C'est bien. C'est pas mal. Ouais. Bon, allez, 6. Laure. Alors moi samedi j'ai poncé la table de ma salle à manger parce que vendredi soir on a renversé du vin dessus. Donc il a fallu donc j'ai poncé. Je suis pas loin de faire ça moi. C'est vrai. Elle commence à être très tachée. J'ai une petite ponceuse. Non j'ai la ponceuse, mais t'as le truc pour la table. J'ai tout. Ah, on va s'entendre. J'ai tout puisque samedi je suis allée chez Casto, donc acheter le vernis et puis tout ce qui me manquait. Voilà, donc super super sympa. Et dimanche on a joué au tarot avec les enfants et on a fait des crêpes. Bah pardon d'être j'ai pas gagné. Droit. Non. Tarot et crêpes. Bah c'est sympa pour un dimanche. Casto le samedi, tarot le dimanche et on va poncer une table le vendredi. Alors je peux pas induire, mais alors Aurélie, si elle a plus de 6, je comprends pas. Alors moi Casto, j'ai horreur de ce magasin. Je suis pas bricoleuse. Et le dimanche, bon je suis maman aussi, donc j'aime bien quand même faire des crêpes et jouer avec mes enfants. Donc je dirais aller un petit. Allez, un 7 parce que solidarité. Ouais, le dimanche c'est sympa quand même. Allez. Donc apparemment le week-end de Laure est mieux que celui de Clément qui a fait la fête vendredi, la fête samedi et qui a rien fait devant un match de foot. Apparemment c'est moins bien que de jouer au tarot. Ok. Pauline au standard. Alors moi j'ai eu une coupure d'eau tout le week-end de 8h à 16h samedi dimanche. Donc c'était très agaçant. Je suis allée acheter des bouteilles d'eau pour me laver les dents et me laver entièrement.

Mais avec la nouvelle offre Avantage Gaz d'EDF, le prix du kilowattheure hors taxe de gaz n'augmente pas pendant 4 ans. Il peut même baisser. Et c'est pas tout. Toute baisse du prix du kilowattheure est définitivement acquise sur la période de 4 ans. Avec l'offre Avantage Gaz d'EDF, c'est 4 ans de sérénité. Ceci est une offre de marché. Plus d'informations sur edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et l'été se poursuit avec une nouvelle vague de chaleur pour ce début de semaine. Du soleil pour tout le monde, un ciel très légèrement voilé dans la moitié nord. Ce sera nuageux sur la pointe bretonne, peut-être quelques averses sur les reliefs. Côté température, il va faire chaud. On repasse au-dessus de la barre des 30 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 31 degrés attendus à Rennes, Strasbourg et Tours cet après-midi. Ça grimpe aussi en allant vers le sud, 31 à Montpellier, 33 degrés à Clermont-Ferrand et Lyon, 34 pour Toulouse, jusqu'à 35 degrés à Pau, 36 pour Bordeaux. Virgin Radio. Bieber au 88 484. Justin Bieber nous offre encore un de ses nombreux hits. Envoyez Bieber, B-I-E-B-E-R au 88 484. Accédez au catalogue et téléchargez Love Yourself, le nouvel hymne de Justin Bieber en sonnerie. Bieber au 88 484. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau The Chainsmokers. Le nouveau Shawn Mendes. Le nouveau Feder. Petit Biscuit. Virgin Radio. Vous êtes citadine, il est campagnard. Vous aimez la fête, il est pantouflard. Match au 73-200, votre couple est-il solide? Pourriez-vous faire avec vos différences? Match M-A-T-C-H au 73-200, nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Envoyez Match au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'Opas. Tout le monde prend des photos avec son smartphone. Mais les utilisateurs de Printic, eux, en font de vrais souvenirs. Avec Printic, imprimez vos photos depuis votre téléphone. Format vintage, carré, magnète déco, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Vite, rendez-vous sur l'appli Printic ou sur printic.fr. Actuellement, 25% de remise avec le code MAPHOTO. Printic, tes photos en trois clics. Tout de suite, votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui les amis, excellent réveil à vous tous. Chaque matin, vous le savez, c'est votre rendez-vous 6h20, 7h20 et 8h20. On vous paye votre loyer, votre mensualité de crédit. Voilà ce qu'on vous rembourse. Il suffit de vous inscrire au loyer au 7 12 13. C'est le plus beau cadeau. Toute radio confondue, dès 6h on est là. C'est toute la semaine, c'est comme ça. En plus vendredi, semaine exceptionnelle, puisque c'est 50 ans de loyer qu'on vous offrira vendredi matin à 8h20. Dans une heure vendredi là, on sera sur le point d'offrir le plus gros cadeau jamais offert sur une radio. Et comme on voulait pas abuser, mettre deux numéros et tout ça, parce que le numéro il est surtaxé, et ben ce qu'on voulait, c'est qu'avec le même numéro, vous soyez inscrit deux fois. C'est ce qui se passe depuis 15 jours. Chaque SMS que vous m'envoyez, vous enregistre pour le tirage de tout de suite. Vous enregistre pour le tirage du 16 à 8h20. Comme ça au moins vous envoyez pas de texto pour rien. Pendant 3 semaines. Ouais. Là on a un gagnant. Ou une gagnante tout de suite. Allô, on est Virginie à 1h. Hein. On l'embrasse encore, Virginie à 6h20. Bonjour, qui est là? Allô, c'est Babette. Babette, comment tu vas, Babette? Super bien. C'est ma Babette. Ma Babette, combien est le loyer? C'est de combien? Non, pardon. Oh. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Le Virgin Tonic. Ça, c'est un grand oui. Et oui, c'est le Virgin Tonic qui paye ton loyer chaque heure. Et ma petite Isa, donc combien je te fais? Isa, Babette, Elisabeth, c'est ça? Ouais. Ma petite Babette, de combien je te fais un chèque cet après-midi? Bah, environ 1500. Environ 1500. Oh là là. Je suis très heureux déjà de te faire ce cadeau. Et sache en plus que si tu es la gagnante de vendredi, le temps de faire le calcul, écoute ça. 50 ans de loyer. Eh ben, je te ferai un chèque. Eh oui. 4. J'ai moins 4. Je te ferai un chèque de 900 000 euros. Oh là là. Oh là là. Déjà, ça serait trop beau. Eh, déjà 1500, c'est beau. Ah ouais. Ouais. Mais 900 serait très sympa. Ce serait très sympa. Eh ben peut-être rendez-vous vendredi, alors comme vous tous qui m'écoutez, qui n'avez pas eu la chance d'être tiré au sort. D'accord, Babette? Ok. Est-ce que quand tu touches un chèque de 900 000 euros, les millionnaires ils se moquent de toi? Genre en mode, ah, tu es presque. Je sais pas, est-ce qu'il y a une. Je sais pas du tout. Moi, à mon avis, je serais content. Ouais. Ah, ouais, je serais content. T'entends ce qu'elle dit, ma bête. Je m'en fiche qu'on se moque de moi. Alors là, foutons de ma gueule, moi, je suis très content. Bah ouais, je comprends bien. Maïsa, je t'embrasse très très fort. Merci, ma chérie, d'être avec nous. 7h23. Prochain tirage au sort, c'est dans une heure dans le Virgin Tonic. Bougez pas. Let's go! Salut, c'est Kouz dans Virgin Tonic. Virgin. Excellent réveil à vous tous, 7h26. Merci d'être là avec nous sur Virgin Radio. C'est lundi aujourd'hui, le 12 septembre. Courage à vous tous qui êtes déjà arrivés au travail. Nombreux, d'autres sont encore sur la route. Toute l'équipe est là. Oui. Un point sur l'actu, ce serait pas mal. Dans un instant, comme tous les matins à 7h30. Et puis, juste après 7h35, comme chaque jour, c'est le réponse à tout. Quand Clément descend dans la rue, posez des questions aux enfants. Alors les enfants, aujourd'hui, c'est la photo de classe. Et oui. Énormément de collèges, énormément de lycées. Non, je sais pas si on fait encore dans les lycées. Si, bien sûr. Dans énormément de primaires et tout. Là, vraiment, c'est le grand jour de la photo de classe. Ah ouais. Le jour où il y a toujours ton bouton qui a décidé de sortir ce jour-là. C'est un enfer, tu ne sais pas pourquoi. C'est ce jour-là qui sort, Clément. Pourquoi sur toutes les photos de classe, je me le demande, il y a toujours un mec qui a un pull avec des animaux. Tu sais, genre un cerf et tout. De toutes les photos de classe, de toute l'histoire de tous les temps. Et ce gars, c'est souvent mon frère ou moi. Je me demande à ma mère, c'est toujours nous qui avions les t-shirts. Dégueulasse, ce qui gâche toute la photo. C'est toujours mon frère et moi qui les avions. Oh. Il y a des trucs qui arrivent sur la photo. Il y a toujours celui qui ferme les yeux. Bah oui, évidemment, sur toutes les photos. Ah mince, elle est loupée. Lui, il est dégoûté. Il est dégoûté, oui, il dort. Il y a toujours celui qui est dégoûté d'être derrière parce qu'il voulait être devant et qui fait la tronche. Qu'est-ce qu'il y a toujours dans une photo de classe? Qu'est-ce qu'il y a toujours dans une photo de classe? Ouais, Sam. Moi, je suis toujours premier, j'ai grandi très tard, donc je suis toujours devant. Moi aussi, nul. J'avais pas ce problème, ils étaient tous hyper énervés d'être derrière. C'est difficile, oui, Clément. Un petit blond qui tient le panneau avec fierté devant du nom de la classe et l'année. Et il est super fier parce que c'est lui qui tient le panneau. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Toujours un prof mal à l'aise aussi qui est à côté. Oui. C'est qui est à côté, qui l'a pour surveiller toute la classe et qui lui est très mal à l'aise. Oui, Pauline, au standard. Il y a surtout l'élève qui est à côté du prof sur la photo et qui passe pour le faillot, donc qui est vraiment dégoûté. Ouais. Qui est collé au prof. Ouais. Ah non! 39-16, tiens, il y a plein de monde au standard, je vais vous demander dans un instant ce qui, selon vous, il y a toujours sur une photo de classe. systématiquement. Il y a toujours une coupe au bol sur une photo de Clem. Il y a toujours un qui a une coupe au bol. C'est obligatoire. Ah, on annule la photo. Il n'y a pas de ça. Bah, amenez le petit Johan de l'autre classe qui est devant une coupe au vol dans chaque classe, Clément. Non, mais il y a toujours un. Je sais pas, il y a, y a toujours un très, très, très, très grand. C'est au fond, et tu dis, mais il a quel âge? C'est le prof. Ouais. Ah, c'est ça. Ah, oui. Avec des costumes et tout. Ah, mais c'est ça. Bah, ouais, c'est le prof. C'est ça. C'est le problème. Nico du bureau. Il y a toujours le mec qui est faussement détendu, qui est assis au premier rang, et c'est genre les jambes qui se balancent, alors qu'en fait, bah, il est aussi stressé que les autres, sauf que le gars, il est à ouais, la il est en détente. Il y a toujours, ce qui est génial, c'est quand tu ressors, c'est les marques de l'époque. Ouais. On a tous les marques ont disparu depuis, c'est pas possible. Tiens, Caro, ma chérie, est-ce qu'il y a un truc que tu retrouves tout le temps, toi aussi, dans les photos de classe? Salut, ma belle. Hola, Camille. Hola, tout le monde. Hola, hola. oui, bien et tout. Good. Je vais dire que hola, que tal, et me gustas. Me gustas, paella. Et je vous jure que j'ai fait 7 ans d'espagnol. Ah, non. Voilà mon niveau de 7 ans d'espagnol. Ouais. Pas triste? Bah, j'ai le même problème. Ah ouais? Oui. Mais je vais se dire si, senior. Ah, elle s'en a tentationné. Moi aussi, je connais ça. Alors, ma Caro, qu'est-ce qu'il y a toujours sur une photo de classe? Bah, il y a toujours celui qui a redoublé deux fois, tu vois, qui confond avec le prof et qui détonne parce qu'il a deux têtes de plus que lui. Bah, oui, c'est lui le très grand. Et de la moustache, du duvet. Ça n'a pas de la moustache, mais ce n'est pas la non plus d'être un verbe. Ça s'appelle du duvet, c'est ça. Anthony, est-ce qu'il y a un truc que tu as retrouvé sur toutes tes photos de classe, toi aussi? Salut, mon pote. Salut Camille, au moins il y a toujours les deux copines qui se sont mis d'accord il y a 15 jours avant la photo pour s'habiller exactement pareil pour passer l'une à côté de l'autre. Ouais. Alors que moi je savais même pas qu'il y avait la photo de classe, du coup j'ai mon pull Waikiki. Je sais pas quoi faire. Moi surtout j'ai toujours, mais je sais pas pourquoi, l'épi du réveil. Sur toutes mes photos de classe, j'ai l'épi qui monte derrière. C'est qui fait le gars qui est pas réveillé? Nico du bureau. Il y en a quand même plein qui sont limite en costard, et puis il y a toujours le gars qui est en survêt parce que. Tu es en costard quand t'es enfant, tu vas bien. En costard, hyper bien habillé, effectivement. En costard, non mais t'étais à Poudlard ou quoi? J'étais en costard. Non, à l'école d'Harry Potter. Non, mais genre avec la petite chemise. Et par contre, il est tout. Il y a un gars qui est en survêt, c'est le gars qui était absent la veille et avec qui on a pas prêt. Bien sûr. Ah oui. C'est une vraie galère. Anthony, je t'embrasse très très fort, mon poteau. Merci d'être avec nous. Ouh là là là là, lui faut pas l'empêcher de chanter. Hein. Mazel Merlove, voilà ce qui arrive dans un instant dans le Virgin Tonic. Je vous souhaite un excellent réveil à vous tous. On est là avec vous jusqu'à 9h. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, nouveau pic de chaleur aujourd'hui sur toute la France. Du soleil quasiment partout, ce sera nuageux sur la pointe du Finistère. Les températures s'affolent de nouveau, 30 degrés attendus à Laval et Amiens, 32 à Paris, 33 à Lyon et Clermont-Ferrand, jusqu'à 37 degrés dans le sud-ouest. Une nouvelle réforme en vue à l'université. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, annonce dans les Échos ce matin une remise à plat du processus de recrutement pour les masters, afin que tout titulaire de licence se voit proposer une poursuite d'études en master s'il le souhaite. Réforme qui serait applicable dès la rentrée 2017. Un dossier épineux sur lequel le gouvernement est attendu au tournant à quelques mois de la présidentielle, la fermeture d'Alstom à Belfort. Au cœur d'une réunion ce matin à l'Élysée en présence de François Hollande et Manuel Valls, le gouvernement veut faire pression sur le constructeur ferroviaire qui a annoncé mercredi l'arrêt de sa production de locomotives à Belfort d'ici à 2018. 400 emplois sont menacés. Christiane Taubira à la une de Libération ce matin. L'ancienne garde des Sceaux sort du silence, annonce qu'elle va s'engager dans la campagne pour l'élection présidentielle. Reste à savoir de quelle manière. Pour Christiane Taubira, la gauche doit se réconcilier et rassembler ses forces pour 2017. C'est sa première visite en France depuis 5 ans. Le Dalai Lama arrive à Paris aujourd'hui où il passera 2 jours avant de se rendre à Strasbourg, invité par la Fédération du bouddhisme tibétain. Le prix Nobel de la paix 89 doit rencontrer quelques parlementaires membres du groupe Tibet. Aucune autre rencontre politique n'est prévue. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Hillary Clinton, prise d'un malaise à la sortie des commémorations du 11 septembre à New York, après plusieurs heures de spéculation sur son état de santé. Son équipe de campagne a finalement annoncé que la candidate à la présidentielle souffrait d'une pneumonie. Ses déplacements ont tous été annulés. Le football du grand Balotelli pour son premier match en Ligue 1. L'attaquant italien a réalisé un doublé avec l'OGC Nice hier soir face à Marseille en clôture de la 4e journée. Victoire 3 buts à 2 Nice, hein, s'installe en tête du championnat avec Monaco. Succès hier aussi de Metz et Rennes face à Nantes et Caen. En tennis, l'US Open 2016 remporté cette nuit par Stan Wawrinka. Le Suisse de 31 ans s'est imposé en 4-7 face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. En double dame, les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sont passées à côté d'un un deuxième titre. Et puis 4 médailles supplémentaires pour la France hier aux Jeux Paralympiques de Rio. Et des médailles de bronze en tennis de table, en aviron, en triathlon, ainsi qu'aux 400 mètres. Très bon réveil à tous à l'écoute de Virgin Radio. Virgin Tonic. 7h33, j'espère que tout va bien pour vous. Le Virgin Tonic qui vous accompagne 6h, 9h chaque matin. L'équipe, ça va toujours? Oui. On est là très heureux d'être avec vous. On parlait de photos de classe il y a un instant. Oui. On fera notre photo de classe avant la fin de l'émission. Ah, cool. Enfin, à la fin de l'émission. Ouais, hein. Ok. Quand je vois le petit chemisier Camille Laure, je me dis c'est trop bête de ne pas vous le faire partager. Ah oui, on fera ça avant la fin. On fera vraiment comme à l'époque. Hein. Mm-hmm. Classe comme à l'époque. Clément. Donc Laure fera la prof du coup avec ce chemisier. Très drôle. Bah, c'est pas mal. Clément fera la pancarte. Voilà. Et nous tous on posera bien sûr tous ensemble. Les amis, c'est lundi. Oui. Mais j'ai une info incroyable à vous donner. Ah, vas-y. Alors, déjà, attendez, juste avant quand même, je vous rappelle, on offre un cadeau magnifique. C'est l'iPhone 7. Ouais, c'est énorme. L'iPhone 7, alors on va pas faire comme les autres à vous dire qu'on est les premiers au monde à vous l'offrir. C'est juste qu'il sort vendredi. On le précommande pour vous, d'accord? Et donc vendredi, quand vous les tout premiers en France le recevront, vous en ferez partie puisqu'on l'aura précommandé. Canon. Mais on va pas vous mentir, vous l'aurez pas avant vendredi non plus, puisque c'est rapport à l'interdiction formelle de la part de la marque à la pomme que l'on appelle Apple. Oui, Nico du bureau. 12 millions de pixels, plus d'autonomie, étanche, il est parfait. Merci d'être chiant. À tout moment. On revient vers toi. Dès qu'il y a un peu trop d'ambiance, je me tourne vers toi. Merci. Merci à toi. Alors, une info incroyable, vraiment, avant de passer aux réponses à toutes, Clément Lincruste. Ouais. Elle est dingue. J'ai la bonne heure pour faire l'amour selon votre âge. Oh là là. Non, mais c'est fantastique. Alors, Pauline. Oui, 28 ans. 28 ans. Tu es encore dans la vingtaine. Ouais. D'accord. Mm-hmm. Et vous tous qui m'écoutez, tous ceux qui sont encore dans la vingtaine. Je précise, t'es à la vingtaine, ton mec qui est plus du tout, mais bon, on va partir sur toi. Ok. À la vingtaine, le créneau idéal, c'est 15 heures. Ah oui. Ça me plaît. C'est les meilleures heures pour faire l'amour selon votre âge, c'est très sérieux. Ouais. À la trentaine, je me tourne vers Clément. Oui. 8h20. Je vais vous laisser dans une demi-heure alors. Puis c'est l'heure où on paye le loyer, ça m'embête. Exactement. Laure, je sais que tu n'as pas 40 ans. Pas tout à fait, mais on peut dire que je suis alors, dans la quarantaine. Alors, je vais te prendre exemple pour la quarantaine. Ouais. À la quarantaine, la meilleure heure pour faire l'amour, d'après toi, Laure? Bah écoute, moi c'est 15h, mais vas-y, dis-moi. 15h, c'est pas le moment où on bosse au bureau. Ce qui m'inquiète surtout, c'est que ton mec est dentiste. Ouais. Comment il fait l'amour à 15h? Ouais. Entre deux rendez-vous. Ouais, on a compris. Oui, pardon. Merci. En fait, on fait ça dans le. Oui, merci. La quarantaine, 22h20. Ah bah tu vois. Ah bah toi ça fait longtemps que t'es parti. Bah non, mais j'ai eu cette discussion hier à 22h20 justement avec Juju. Moi je suis plus 15h. Ouais, là c'est 22h20. La cinquantaine, vous qui m'écoutez qui avez 50 ans, plus de 50 ans, c'est à 22h. Ah. Un petit peu 20 minutes avant. Okay. Et à la soixantaine et plus, eh bien sachez que c'est à 20h. Ah. Donc, ah ouais, c'est pas génial comme info. Bah, c'est génial. C'est selon notre horloge biologique. Donc 15h, 8h20, 22h20, 22h et 20h, les amis. 7h36, restez avec nous. Manzel Merlov qui arrive et réponse à tout. Réponse à tout. Réponse à tout. Oui, Clément, ce week-end encore, t'as posé des questions aux enfants. Oui, je leur ai demandé, est-ce que c'est mieux d'être l'aîné, le cadet, ou est-ce qu'il faut se situer dans la famille? Est-ce que c'est mieux d'avoir des petits frères et sœurs ou des grands frères et sœurs, à votre avis? Bah, vaut mieux être au milieu. Pourquoi? Parce que c'est mieux, tu te fais moins punir. C'est quoi la technique? T'accuses tes petits frères ou tes petites sœurs, ou tes grandes sœurs. Par exemple, tu coupes ton doudou et tu donnes les ciseaux à ton frère. Comme ça, t'appelles ta maman et tu dis que c'est ton frère qui l'a coupé. Et lui, il se fait punir. Oui. Ben, moi, je préfère avoir une petite sœur et un petit frère parce que ma sœur, elle est énervante. Parce qu'elle dit trou du cul. Ah, elle dit des gros mots? Oui. Ah, bah bravo. Et du coup, elle t'apprend des gros mots? Oui. Et si t'en dis, c'est de sa faute? Oui, et de la faute de papa. Et toi alors? Des petits frères et sœurs. Pourquoi? Parce que les grands frères, comme parce que j'en ai un, et ben ça nous embête tout le temps. Et c'est très très très énervant. Et les petits frères s'embêtent pas? Si, quand même. Il vaut mieux être toute seule en fait. Oui. Réponse à tout. Merci les enfants, vous êtes tellement mignons. 7h38, Manzel Merlov, Should Have Gone Home sur Virgin Radio. Excellent réveil, j'espère que tout va bien pour vous. C'est lundi, on est là pour vous donner du courage. Should Have Gone Home. Virgin Tonic. Je te mens, je ne fais que ça, et dans mes yeux tu le lis. Je te mens, mais je sais déjà que je suis bientôt pris. Je ne trouve jamais rien de mieux à croire que j'aime ta jalousie. Je sais qu'on perd toujours à ce jeu, qu'un jour tu seras parti. J'ai ça dans la peau jusqu'à la fois de trop. Chaque fois je détruis ce que j'ai de plus beau, car du mal je m'en fais aussi. J'ai ma vie qui prend l'eau. I'm addicted to this game. Wish I could just let it be. Shouldn't left but I did it again. And now it all fires back in me. Je fuis ton regard de peur qu'il soit trop tard. Salut et bon réveil sur Virgin Radio, 8h20, j'espère que tout va bien pour vous. On est là en tout cas pour prendre soin de vous du lundi au vendredi, 6h, 9h, vous qui êtes sur la route pour le travail, vous qui êtes encore à la maison en train de préparer les enfants, merci aux collégiens et lycéens qui nous écoutent dans le bus scolaire, le transport scolaire. Évidemment l'équipe est là et oui, on a un cadeau à vous offrir, iPhone 7. Il sort vendredi, vous serez le premier à le recevoir. On le précommande pour vous dès aujourd'hui pour que vous l'ayez dès la fin de semaine. Les amis, c'est un très très beau cadeau. On vous l'offre maintenant, il faut gagner à des jeux chez nous, vous le savez. Notamment un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qu'on adore. On est très content de les retrouver. C'est les 1, 2, 3, Shrana. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Shrana. Oh là là. Salut les gars. Tout est en live. Salut les gars. Comment ça va? Salut mon poteau. Alors on va avoir avec face à vous, on va avoir Chloé. Salut Chloé. Salut Camille. Salut à toute l'équipe. Salut. Salut Chloé ma belle, je suis ravie de t'entendre. Tu viens d'où? De Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer. Tu fais quoi dans la vie? J'organise des mariages. T'es wedding planner? Tout à fait, wedding planner. C'est vrai, mais c'est énorme. Donc les gens viennent te voir, ils disent j'ai tant, il faut me faire un beau mariage. Exactement, en général ils ont un petit peu moins que ce qu'ils voudraient, mais on essaye de faire vraiment le plus beau mariage. Oh c'est génial, et t'es marié toi? Oui. Et qui l'a organisé? Nous, c'était le premier mariage qu'on a organisé avec ma maman. Ah et parce que tu bosses avec ta mère? Exactement, je trouve ça génial comme métier. C'est cool. C'est génial parce que tu fais que donner du bonheur aux gens. Ouais. Exactement. Et oui, c'est un jour de bonheur et tu fais en sorte qu'ils aient encore un jour plus beau que ce qu'ils avaient imaginé. Exactement, puis que les préparatifs aussi se passent bien parce que ça dure plus longtemps les préparatifs que le mariage, donc c'est important que tout se passe aussi dans une super bonne humeur et que tout se passe bien. C'est beau, hein? Mmh. Ah ouais. Tu peux pas t'occuper dessus de l'or? Avec plaisir. Non mais l'or, elle va certainement bientôt se marier. Ouais, alors ça devait être hier, mais on a décalé. Je pensais que j'attendais la charrière, je comprenais pas, mais voilà, donc en fait on a décalé parce qu'il y a eu récupération d'enfants, déménagement, enfin ça a été un peu compliqué. Ça se met en place. On va faire ça cet été si tout va bien. Mais oui, bien sûr. Sans Juju, il y aura autre chose. Ah mais non, mais c'est pas pratique, il y a les vacances organisées. Faisons ça dans dans 3 ans. Chloé, ma chérie, 1, 2, 3, Shrana, c'est très simple. Nos poteaux sont là, ok, pour fêter le soleil, pour fêter les périodes de grande chaleur qui vont encore arriver là, hein, pendant quelques jours, partout en France. Ils vont te faire des reprises de morceaux très connus, version rail. Et il faut que tu reconnaisses le bon interprète. Vous tous aussi, hein, qui jouez, qui nous écoutez là en voiture, jouez avec nous. Et si tu as deux bonnes réponses, c'est gagné, d'accord ? Super, ça marche. Eh ben c'est parti, Chloé, premier extrait, on y va. Les copains, vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, on y va. La la la la la la la la. Oh, c'est facile, hein. Énorme tube. C'est facile, hein, ma Chloé. Oui, je crois que je sais. C'est Christophe Maé, il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ? Où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Très bien, Chloé, première bonne réponse. On y va, deuxième extrait. C'est l'un de trois Shrana qui sont avec nous, déguisés, magnifiques. On y va, c'est parti. Ben alors, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Il y a le 2 de 1, 2, 3 qui va pas bien. Bah, Chloé, t'as retrouvé, c'est facile, hein ? J'ai pas trouvé ça facile. Oh. C'était Capéo, un homme debout ? Et non, c'était Joseph Salva. Ah oui, d'accord, pas du tout. Attention, on y va avec la dernière. De toute façon, c'est un artiste français, j'ai l'impression que toutes les dernières, c'est toujours lui. De toute façon, on y va, c'est parti. À toi de découvrir, on y va. Deux, c'est bon. Alors, hey, pareil, là, il n'y a pas un mariage sur cette chanson, c'est très connu, tu le sais, ma chérie. Quand la musique est bonne, Goldman ? Eh bien sûr, Jean-Jacques Goldman, quand la musique est bonne, c'est gagné pour toi, ma chérie. Félicitations. Merci. iPhone 7 pour toi, il ne sort que vendredi. On te le précommande, tu le recevras. Tu seras vraiment une des toutes premières en France pour organiser tous les mariages. T'auras ça, tu vas te régaler, ma chérie. Résistant à l'eau, appareil photo, 12 millions de pixels, autonomie encore plus longue. Ma chérie, félicitations, on t'embrasse. Merci, un truc de fou, merci beaucoup, bisous à toute l'équipe. Bisous. Merci au 1, 2, 3 Shrana et des iPhone 7. Merci. Ce sera à offrir tous les matins de la semaine dans le Virgin Tonic. Reste avec nous. Tout de suite, on écoute un de mes morceaux préférés. Je pense que vous aussi, Likely, Eye for a Reverse. Bon réveil. l'adore ce morceau. Je vous souhaite un excellent réveil, un bon courage pour ce lundi qui démarre pour vous tous. Merci, merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic. On est très très très heureux d'être là. Courage à ceux qui sont déjà au travail, d'autres sont encore sur la route, d'autres déposent des enfants à l'école. Nous en tout cas, où que vous soyez en France, quoi que vous soyez en train de faire, on a un cadeau qui va vous faire trop plaisir les amis, trop trop trop plaisir. Ça arrive vendredi. Ça fait 3 semaines qu'on en parle. On a fait notre rentrée avec toute l'équipe, on a décidé, on a dit on peut pas revenir comme ça. On a les meilleurs auditeurs de France. Cet été encore, grâce à vous, on a battu des records de dingue. Vous êtes tellement nombreux à nous rejoindre chaque matin. On voulait vous récompenser, vous faire le plus beau cadeau qui ait jamais été offert sur une radio. C'est pour ça que vendredi matin, à 8h20, on vous offrira 50 ans de loyer. 50 ans de loyer. Vous avez un loyer de, ou une mensualité de crédit, hein, de 1 200 euros. Et ben, je vous ferai un chèque de 720 000 euros. Oh, des sommes pareilles, c'est jamais arrivé en radio. Mais vous le méritez. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au loyer au 7 12 13. Non seulement, peut-être le gagnant de 8h20, là, grâce à ce SMS, mais quoi qu'il arrive, inscrit pour ce tirage au sort exceptionnel de vendredi. Toute ma famille s'est inscrite. Ils n'arrêtent pas à tous et tout. Je dis, mais peut-être, mais on aura peut-être ma tante au téléphone, qui sait. Il y a quand même, ce serait quand même très embêtant, mais je veux dire, voilà, tout le monde a envie de s'inscrire. Je vous souhaite en tout cas bonne chance à tous. C'est un très très beau cadeau. Même Chris Martin de Coldplay m'a appelé. Il m'a dit, je suis un peu ricrac cette année. Je peux faire un truc, je peux me payer le loyer. On va le sentir passer. Hein. Mais il a inscrit aussi Him for the Weekend. Eh ben, on est lundi, c'est un peu tard. Eh ben, c'est ce qu'on va écouter dans un instant. Il est pas raccord, lui. Ils en sont où, Coldplay? Ils reviennent ou pas un jour, eux? Je sais pas. Ou ils sont revenus, on les a pas vus revenir. Aucune idée, mais on peut changer le titre, si tu veux. Pour Him for the Lundi, ils sont en studio, je les appelle. Ok, bah, c'est Him for the Lundi qui arrive dans un instant de Coldplay. Restez avec nous. Je vous souhaite un excellent réveil sur Virgin. Ah, on a un problème? Oui, comme à 6h50, la pub ne marche pas. Alors, voilà. Bah, décidément, on a un problème à toutes les heures avec la pub, mais c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver. On peut pas lancer les pubs, c'est ça l'idée? On peut réessayer. Non, ça marche pas. Ah, bah, très bien. Bah, génial. Mais est-ce que ça veut dire qu'elles vont partir dans un instant ou vous en aurez pas? On sait pas. Je crois que j'ai 118-712.fr, annuaire de référence pour trouver un restaurant indien. 118-712.fr. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch se met au rugby. Voici Capture, le crossover. Avec sa position de conduite surélevée, il offre une parfaite vision du jeu. Capture est à partir de 169 euros par mois. Portes ouvertes ce week-end. French Touch touche française. Offre sous condition de reprise pour Capture Life Energy TCE 90 LLD sur 49 mois, 40 000 km max. Premier loyer de 1 200 euros si acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation, voire Renault.fr. Mère de famille et ancienne infirmière, Christine s'est toujours occupée de tout. Elle s'est occupée de la maison et de ses 3 enfants, puis elle a décidé de s'occuper à nouveau de sa carrière. Et grâce au Bon Coin, elle s'occupe désormais de la santé des autres. Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Bonjour, c'est Yann Barthès. Je vous donne rendez-vous avec toute mon équipe pour Quotidien, la nouvelle émission sur TMC, sur la 10. Tous les soirs, avec mon équipe, on va revisiter l'actualité à notre manière. Quotidien, présenté par Yann Barthès, du lundi au vendredi à 19h10 sur TMC. Je sais pas chez vous, mais chez nous, pendant les vacances, on a tout partagé. Même la fumée du barbecue du voisin. C'était quand même chouette. Alors à la rentrée, on continue de tout partager, mais surtout les gigas de nos forfaits. Avec SFR Family, partagez les 40 gigas de votre forfait Power Family avec les membres de votre famille sur leur ligne Starter Mini à partir de 99 centimes par mois pendant un an, puis 5,99 euros par mois. Enfin, une offre avec plus que des gigas. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre valable jusqu'au 3 octobre pour les clients box multipack avec engagement, un forfait Power Family et un Starter Mini 100 mégas. Prix sans mobile, engagement 12 mois, conditions sur sfr.fr. Nouveauté. Virgin Radio. Moi, sans vous, qui sommes unis à vie pour le meilleur et le bonheur. Quelqu'un ici, un autre ailleurs. Quelle est ma vie? J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'aimer pour survivre. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce qu'on est rien. On est rien. On est rien. Les uns sans les autres. Parce qu'on bienvenue les amis, 8h05, vous l'entendez, rien ne marche. Hein, on remercie les équipes de Virgin Audio qui ont beaucoup bossé cet été. Ça marchait pas très bien avant qu'on parte, mais alors depuis qu'on est revenu, il n'y a plus rien qui marche. On n'arrive plus à lancer les pubs. Elles partent quand elles veulent les pubs. Normalement, c'est un animateur radio, il dit machin tout de suite. Moi, elles partent quand elles veulent les pubs. Il n'y a plus rien qui va sur cette radio. On n'arrive plus à lancer les jingles et on a Manzel Merlov. Donc. Ça va de mal en pire. Oui, Clément, Nico, qui êtes-vous? Oui, apparemment, il y a un petit problème technique, c'est-à-dire que la clim est en panne là où les machines sont en train de chauffer, et du coup, ils mettent des petits ventilos devant pour essayer de chauffer. Non, mais c'est vrai, il fait 40 degrés là-bas. Ah, c'est vrai. C'est, ouais, ouais. C'est le petit souci. Ah, y a qu'ici qu'on peut voir ça. Donc la clim, là où il y a les ordis, c'est tombé en panne. Oui, voilà. Ah d'accord. Donc c'est la canicule, des ventilos, en fait. Là. Ouais. D'accord. Ça va être une belle matinée. C'est quoi, reste. S'il y a une matinale à écouter, à mon avis, c'est celle-ci. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce qui peut arriver, mais surtout ce qui peut ne pas arriver. C'est-à-dire que ce qu'on a prévu peut tomber à l'eau, vu que bah, voilà, rien ne fonctionne. Oui, Pauline, au standard. Et l'hiver, à chaque fois, on a en plus très froid dans le studio. Mais tout ça, ça nous rapproche, tous ces petits problèmes. Exactement. Mais oui. Exactement. Les joies du tiers-monde. Ben oui, non, mais c'est un peu comme Koh-Lanta. Il y a plein d'épreuves ensemble. À la fin, la tribu, c'est une tribu, quoi. Nous, c'est pareil. On est une vraie tribu. On est soudés. On se serre les coudes. C'est assez simple. Les amis, je voudrais vous dire quand même que dans un instant, il y aura l'actu, on espère. Autour des 8h. Ensuite, à 8h05, il y aura une nouvelle question de ouf. Enfin, on l'espère. On va tenter, mais il y a un arbre qui commence à pousser sur la question de ouf. La nature reprend ses droits. N'importe quoi. Donc, c'est 0184 07 0809. Vous avez laissé tous vos messages ce week-end. Enfin, on l'espère. Si le répondeur fonctionnait, s'il y avait de la clim au niveau de la téléphonie de Virgin Radio, vous avez pu lâcher vos messages et donc on les écoutera dans un instant. La question, Clément? La question, quelle est la première question que tu poses quand t'arrives au paradis? C'est pourquoi ça marche pas, Virgin? C'est une des réponses. Je sais pas, ça nous fait tellement plaisir en plus, mais je sais pas si on n'aurait pas dû offrir juste 48 ans de loyer puis garder 2 ans près de pour... Pour faire que la radio marche. Ouais. Donc 200 ans de loyer, on n'arrive même pas à lancer les pubs. On veut pas refaire. On vous offre 48 ans de loyer parce qu'on garde 2 ans pour mettre des ventilos. Oh, quelle équipe. Oui, Clément. Si on peut redescendre à 47 ans, parce qu'il y a le problème des fontaines à eau, je sais pas si on peut. Mais on a un vrai problème aussi des fontaines à eau. C'est quoi? Elle est plus potable en fait, l'eau des fontaines. Il y a 3 personnes dans le groupe qui sont apparemment partis à l'hôpital parce qu'ils se sentaient pas très bien. Voilà. Et on en a déduit que c'était a priori à cause de fontaines à eau. Et regarde, on n'a plus le droit de s'en servir, c'est marqué non potable. Ouais. Non, mais c'est une blague. C'est vraiment sérieux. Non, mais les amis, c'est génial. Mais attendez, j'apprends des choses. Donc attendez, Virgin Radio, donc on est à la seule. Ah non, on peut pas mettre de jingle parce que l'endroit d'où partent les jingles, il y a pas de clim. Et apparemment, on est la seule société à avoir des fontaines à eau non potables. Non, mais c'est vrai. On aurait voulu, on n'aurait pas fait pire. C'est horrible. Et faites attention, juste je vous dis, j'ai pas encore vu toute l'équipe. Faites attention dans les couloirs, il y a des chiens errants. Et ils ont pas encore été vaccinés, faut essayer de les éviter. Vous pouvez les éviter, juste passer par les sous-sols pour aller au bureau. Oui, Pauline. Non, mais le truc drôle quand même sur cette eau non potable, c'est qu'on a reçu un mail dimanche pour nous prévenir, alors que c'était vendredi. Voilà, on avait bu toute la semaine. Et quand on a demandé au patron, mais il y a peut-être un souci et tout, il dit oh, ça fera maigrir au pire. N'oubliez pas, le 16 septembre à 8h20, on vous offre 46 ans de loyer. On est ric-rac, on a besoin de regarder un peu. Les amis, alors il est 8h, on va essayer de vous mettre l'actu. Parce qu'il y a tous nos journalistes en France, on les embrasse très très fort. En plus, eux, ils ont de l'eau potable dans leur antenne régionale. Pensez à nous, les amis. Envoyez-nous des bouteilles de cristalline, s'il vous plaît. Pensez à nous, ici, à Virgin Radio. On fait les infos, la question de ouf qui arrive, le pop rock électro de Coldplay. Voilà tout ce qui est prévu. Merci en tout cas de nous être fidèles chaque matin. On est tellement heureux d'être là avec vous dès 6h du lundi au vendredi. Les infos Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, du soleil pour débuter cette nouvelle semaine. Du bleu quasiment partout, ce sera couvert sur la pointe bretonne, un lundi marqué par une nouvelle vague de chaleur. Jusqu'à 30 degrés attendus au Mans, 31 à Colmar et Dijon, 32 à Paris, Aix-en-Provence, jusqu'à 36 du côté de Bordeaux. La fermeture d'Alstom à Belfort d'ici à 2018, un dossier épineux sur lequel vont se pencher ce matin François Hollande et Manuel Valls. Réunion à 8h30 à l'Elysée en présence des ministres concernés. Le constructeur ferroviaire a annoncé mercredi l'arrêt de sa production de locomotives sur son site de Belfort où 400 emplois pourraient disparaître. Un dossier hautement politique glissant à quelques mois de la présidentielle. Il est entendu depuis hier par les enquêteurs antiterroristes à Levallois-Perret. Un adolescent de 15 ans soupçonné de pouvoir passer à l'acte dans un contexte de menace terroriste maximale a été interpellé samedi dans le 12e arrondissement de Paris. Il était assigné à résidence depuis le mois d'avril. Les commémorations hier à New York des 15 ans des attentats du 11 septembre. Cérémonie à laquelle elle assistait Hillary Clinton. La candidate à la présidentielle a été victime d'un malaise. On la voit s'évanouir sur une vidéo qui a fait le tour du monde. Son équipe de campagne annonçait qu'elle souffrait d'une pneumonie et que ses prochains déplacements étaient annulés. Un malaise qui devrait faire les affaires de Donald Trump, son rival à la présidentielle qui, depuis plusieurs mois, met en cause son état de santé. Événement en télé avec l'arrivée de Yann Barthès sur TMC. L'animateur a emmené toute son équipe du petit journal de Canal+ sur la chaîne du groupe de TF1 pour un nouveau rendez-vous baptisé Quotidien. Une émission qui mélangera humour et actualité. C'est à partir d'aujourd'hui à 19h10 donc sur TMC. Le football et l'entrée fracassante de Mario Balotelli en Ligue 1 pour son premier match sous le maillot niçois. L'attaquant italien a marqué 2 buts hier soir face à Marseille en clôture de la 4e journée. Score final 3-2. La victoire qui permet à Nice de prendre la tête du championnat. À égalité avec Monaco, vainqueur de Lille samedi. Le rugby, La Rochelle toujours aux commandes du top 14 après sa victoire face à Lyon samedi lors de la 4e journée. Hier, Toulon s'est rassuré en battant Toulouse 32-15. Victoire également de Grenoble 36-23 face à Brive. En tennis, la victoire de Stan Wawrinka cette nuit en finale de l'US Open face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. Le Suisse de 31 ans s'est imposé en 4-7. C'est son 3e titre du Grand Chelem. Déception en revanche pour les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic qui ont échoué de peu en finale du double dames. C'est tout pour l'actu de ce lundi. Vous retrouvez Camille Combal. Très bon réveil à tous. Merci de nous avoir choisi le Virgin Tonic. C'est du lundi au vendredi, 6h-9h, chaque matin à vos côtés pour vous donner du courage. Et je sais que vous en avez encore plus besoin le lundi. Vous qui partez en cours, vous qui partez au taf, vous qui êtes encore en voiture, on vous souhaite vraiment, vraiment de passer une belle journée. Vous avez bien fait de nous choisir, surtout cette semaine. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Dernière semaine avant le plus gros cadeau jamais offert sur une radio en France. 50 ans de loyer. J-4. 50 ans de loyer, ce sera certainement le plus gros chèque, c'est sûr même, hein, le plus gros chèque jamais offert par une radio, par une émission de radio en France, et vous le méritez. On plaisantait, mais au moins ça prouve que chez Virgin Radio, on donne tout à nos auditeurs. Ah oui. On a même plus d'eau potable ici, c'est pas une blague. Mais au moins, on vous fait plaisir et vous le méritez vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, tout est pour vous chez nous. 50 ans de loyer, loyer au 7 12 13 par SMS. Non seulement vous êtes inscrit pour le tirage de 8h20, comme tous les matins, mais en plus, vous augmentez vos chances d'être le grand gagnant du 16 septembre. Vraiment, bonne chance à tous, les amis. Ça vous permet de démarrer une nouvelle vie. Ah bah oui, c'est sûr. Ça vous permet peut-être d'obtenir un rêve que vous imaginiez même pas, Clément. Ouais. Ça veut dire que je ne paierai plus le loyer jusqu'à mes 83 ans. Oh. Mon prochain loyer, ce serait ma maison de retraite. 83 ans. Attends, vous avez un loyer de 1020 euros. Ouais. Ça fait 612 000 euros. Bam. Ça fait... 244 800 paquets de madeleines aux pépites de chocolat. Ah, j'ai elles sont bonnes, mes préférées. Pas mal, hein. Ouais. Elles sont pas mal. Ça vous permet de faire 37 230 euros de hors forfait avec Orange Mobile. Et ça vous fait, écoutez bien, 8160 colorations chez Jean-Louis David. Ah, oh, ça intéresse. C'est cool. Ça intéresse les filles. Ouais. Ça fait énormément de couleurs de cheveux énormément. En une vie. Oui, ma Pauline au standard. Faut faire attention, ça les abîme. Ça les abîme. J'ai un autre truc qui abîme la vie. Qui abîme la santé. C'est quoi ? C'est hallucinant. Je l'ai trouvé dans le journal Biba. Mm-hmm. C'est l'université du Michigan qui nous révèle que 62% des gens qui travaillent en open space sont plus susceptibles de prendre un congé maladie que ceux qui travaillent dans des bureaux individuels. Puisqu'en fait, les gens tous expirent dans votre direction. Ils viennent toucher votre espace s'ils sont un peu malades. Donc, il y a beaucoup plus de chances d'être en mauvaise santé quand on est en open space. Laure. C'est uniquement pour ça que je reste pas au bureau. Eh ben voilà. Eh ben, tu as trouvé une excellente raison. 8h05, les amis, avant d'écouter Coldplay, c'est Clément et la question de ouf. Question de ouf. Et la question qu'on vous a posée ce matin, c'est si vous arrivez au paradis, quelle serait votre première question ? excusez-moi, c'est possible d'aller en enfer, hein, parce que là, je viens de faire le tour. Il y a pas de tabac, il y a pas de bar, il y a pas de boîte. Je crois que je préfère aller en face, du coup. En arrivant au paradis, je demanderai si un nuage est confortable ou pas, parce que sinon, bah, faudrait que j'aille chercher mon lit. Si je fais pipi, ça tombe sur qui ? Et sinon, l'auréole, c'est obligatoire ? Non, parce que ça peut être super pratique pour dormir, en fait. Elle est où, Vanessa ? Bah oui, Vanessa Paradis. Ah, désolé, mec ! J'ai oublié ma play en bas. Je partirai la chercher ? Oui, bonjour, c'est juste pour savoir, on a le droit d'avoir un guide pour visiter ? Je poserai la question existentielle que toutes les filles se posent. C'est où les toilettes ? Bonjour, vous êtes Saint-Pierre ? Est-ce que vous êtes de la famille de Natacha ? Question de ouf. C'est ça, vous êtes marrant. Franchement, mais merci à vous tous de jouer le jeu chaque jour. Coldplay, Hymn for the Lundi. On a changé, c'était le week-end, ça marchait pas. Bon réveil à vous tous sur Virgin Radio. This is Christian Van Coldplay on Virgin Radio. Virgin Radio. To lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, nothing I must be my user. When I was a river trotter, you came to me. Sur Virgin Radio, 8h09. Belle matinée à ceux qui sont déjà au taf, peut-être déjà en cours dans les transports, puis d'autres sont encore à la maison sous la douche, en train de vous diriger au travail en voiture. Soyez prudents en tout cas, et un grand merci de nous avoir choisi lundi aujourd'hui. Alors on parlait d'un truc il y a maintenant plus d'une heure, ouais. Mais je trouvais que c'était génial et ça nous mettait de bonne humeur. C'est un hashtag qu'on a lancé. Oui, oui. On a lancé ce hashtag magnifique, je tiens à le dire. Est-ce qu'on peut mettre la Marseillaise? Les amis, on vous a demandé de réagir avec le hashtag « La vie est plus belle quand ». Oui. Des petites choses du quotidien qui rendent la vie plus belle. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les amis ? Dites-le nous. Voilà, sur Facebook, sur Twitter, on lit tous vos messages. On vous rappelle au 3916, il y a Ingrid qui est avec nous. Il y a Benjamin, il y a Romain, il y a plein de monde. Salut déjà tous les trois. Salut. Salut. Salut. Ingrid, à quel moment pour toi la vie est plus belle ? Ah bah moi c'est pas compliqué. Salut Camille, salut l'équipe. Salut. Alors, pour moi, quand je me lève à la bourre, que je suis obligée de partir vite fait chez moi, que j'ai pas le temps de mettre mon fond de teint, mon maquillage, et qu'au bureau on me dit que j'ai un teint qui rayonne, Je me dis L'Oréal. Je suis plus forte que toi. Ça fait trop plaisir, ça. Ah ouais. C'est clair. Ça, c'est génial. C'est un vrai truc qui doit faire plaisir aux filles. Moi, c'est plus simple. Hein. C'est quand il y a le cornichon qui reste au fond du pot, là, et que rien qu'en pompant avec le truc, j'arrive à le récupérer. Ah, ouais. Sans mettre tes doigts dedans. Ah non, j'ai l'impression d'être un champion olympique. J'ai l'impression, j'aimerais qu'il y ait des caméras pour dire c'est incroyable ce qu'il vient de faire. Le cornichon est remonté seul. Ah, qu'il est. J'adore. Ouais. On a tous des trucs idiots comme ça qui font que la vie est plus belle. Ah, Ingrid, je peux comprendre. Pour une femme, c'est hyper important. C'est énorme. C'est quoi, toi, Laure, aussi? Moi, c'est quand je décide de monter à pied alors que tout le monde prend l'ascenseur et que j'arrive avant eux. Ah ouais. Et genre, je suis pas essoufflée du tout, non? C'est hyper dur. Genre, c'est de l'ascenseur. Tu sais, quand tout le monde prend l'ascenseur et que tu dis, oh, je voulais monter à pied, puis t'arrives avant eux, avant l'ascenseur. Ah ouais, non, je connais pas la sensation, mais j'imagine que ça va être sympa. Je n'ai jamais connu cette sensation. Mais elle doit être... Ah bah, elle doit être très très sympa, j'imagine. Romain, c'est quoi, toi? Ah bah, moi, Camille, je pense que je vais te faire plaisir sur ce coup-là. Hein. C'est quand tu commences à te mettre à la guitare, que tout le monde te décourage en disant tu verras, tu arriveras pas au bout d'un an, et qu'au bout de 6 mois, tu joues ton premier morceau, comment tu te la pètes après. Non, le problème, c'est que t'arrêtes pas de jouer celui-là pendant des mois. Mais normal. Wonderwall d'Oasis, voilà, pendant des années. Ah, j'ai été démasqué. Quel est le truc qui vous rend la vie plus belle? On a plein de messages sur les réseaux. C'est quoi, toi, Pauline? Moi, c'est quand je finis de préparer un plat pour un dîner et que à ce moment-là, il y a mes invités qui sonnent. J'ai l'impression d'être dans un dîner presque parfait. Ah, ouais, j'arrive. C'est comme dans le truc. Ça, c'est génial. Non, vous regarderez un dîner presque. Ça y est, toujours à la télé, un dîner presque parfait. Oui, ouais, ouais. Il y a un truc qui est très drôle, c'est parce que bon, et forcément, c'est un tournage. Mais très souvent, ils arrivent à la soirée, il fait jour, et au moment où l'autre ouvre la porte, il fait nuit. On a même si tourne la preuve, ils arrivent. Oh, je me demande si je suis chez Karine. Ça saute grand soleil. La fille ouvre la porte, elle fait salut, c'est Karine. Et là, les gars, nuit noire. C'est toujours comme ça. Il y a des trucs qui rendent. Quand tu vous. C'est un peu pareil quand t'as des invités, tu leur serves ça, une coupe de champagne ou quoi, et la mousse, elle s'arrête pile. Oh, pas mal. Ah ouais. Pas mal. Oui, pas mal. C'est la classe. Pas mal. J'ai l'impression d'être, pour les plus jeunes, bon, vous connaissez pas, dans la croisière s'amuse, gopher. Ouais, ouais. Dès que les cocktails, j'ai l'impression d'être un gars de fou, un barman de dingue. Oui, Nico du bureau. Excuse-moi, c'était Isaac le barman dans la croisière s'amuse. Ouais, oh, Isaac. Oh, beau, gopher, c'est le médecin. Oui, non. Oui. Ah bon, si. Non. Non. Non. Ah bon? Mais non, non. Gopher, c'était le maître d'hôtel, enfin ouais, le concierge un peu, tu vois. Vérifiez quand même. J'aimerais pas qu'on me traîne dans la boue pour rien. non, bah, bien sûr. Tiens, on a Benjamin aussi. Salut mon Benji. Salut Gopher, salut Isaac. Pour moi, la vie est vraiment, vraiment, vraiment belle quand t'as un long trajet que tu prévu en voiture et que tu mets ton fils à l'intérieur, que t'es déjà en stress, qu'il soit réveillé tout le long, qu'il te fasse la vie, et qu'en fait, il s'endort au bout de 5 minutes. Ah. Et que tu peux même écouter un bon gros ACDC, tu vois, dans la voiture, sans que ça le réveille. Ah. Ça, c'est canon. Une fois qu'ils dorment, les enfants, plus rien le réveille? Bah, c'est-à-dire que... Il faut qu'ils s'endorment tout de suite, idéalement. Ouais. Parce que sinon, s'ils s'endorment pas tout de suite, ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'énervent. Et s'ils s'énervent, c'est fini. Et si, donc, s'ils s'endorment assez vite, même si tu mets la musique, on comprend pas. Donc, plus à bloc, mais un peu plus fort, il n'y a plus rien qui réveille. Non, en général, quand il dort, il dort. Ah, ça, c'est pas et Clément. Ça, non, mais tous les enfants ont le même problème. Tu fais une heure de route, ils dorment pas. Et 5 minutes avant d'arriver au repas, c'est ça. Ils s'endorment et ils sont à plein de mauvaise humeur. C'est vrai. T'as l'impression que tes enfants, ils sont pas cool. Il y a un autre truc qui est génial. Ouais, mon Benjamin. Bah oui, mon pote. Par contre, vendredi, moi, je suis dispo que de 8h30 à 9h. Ces eaux-là, pour les 50 ans de loyer, ça m'arrangerait bien. Après, je suis dans le train, j'ai pas envie de réveiller tout le wagon en tout compte jour. Alors, 8h30, malheureusement, ce sera un peu tard. C'est à 8h20, poteau. Hein. Bon, bah, je vais décaler mon train, alors. Parce que 8h20, ça, comme ça, avec l'argent que je gagne, je rachète la radio et vous aurez l'investisseur le plus cool du monde, quoi. Ah. Eh ben, très bien. Peut-être qu'on aura de l'eau potable grâce à toi. Ça nous ferait très plaisir. Benjamin, t'as raison. Eh oui, alors, 50 ans de loyer, Benjamin. Ça aussi, hein, la vie est plus belle quand t'as gagné 50 ans de loyer. Ah, bah, ça, effectivement. Ça, c'est un peu plus évident, quoi, sûr. Eh ben, mon pote, il faut t'inscrire au loyer au 7-12-13. Peut-être que tu seras le gagnant dans, quoi, 5 minutes à peine. Et puis, peut-être vendredi, du coup, en t'inscrivant dès maintenant, d'accord? Je fais ça sans problème. Salut, mais à 8h20 mon pote hein. 8h20 c'est bon, je décale mes billets, j'attends ton téléphone. Pas d'amour, restez avec nous, le loyer justement, ça arrive dans un instant sur Virgin Radio. Ne bougez surtout pas, on écoutera Knash aussi, I hate you, I love you. Je vous souhaite un excellent réveil, un bon lundi, c'est le Virgin Tonic à vos côtés chaque matin. Tous les matins, de 6h à 9h. C'est le Camille Virgin Tonic. Madame Thierry, vous êtes diététicienne et vous souhaitez nous parler du petit déjeuner. Oui, il est vraiment essentiel de prendre un petit déjeuner complet tous les matins. Et le La Viva de Candia peut y contribuer ? Tout à fait. Aujourd'hui, 60% des adolescents manquent de calcium. Or, un bol de lait Viva chaque matin apporte près de 40% de leurs besoins journaliers. Viva de Candia, c'est aussi des vitamines. Exact. C'est pourquoi Viva est un lait si complet. Viva contient de la vitamine D qui manque à

Bienvenue à vous tous les amis, merci d'être avec nous. Oui, chaque matin en direct sur Virgin Radio, trois fois par matinée, c'est important. C'est un rendez-vous qui, je sais, compte énormément pour vous. Je vois le nombre de SMS qu'on reçoit. Loyaux 7-12-13, un espace. Laissez-moi bien votre numéro de téléphone, vous êtes très nombreux à vous inscrire. Déjà pour gagner là, à 8h20, un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit remboursé. Puis en plus, vous l'avez compris, hein, chaque SMS vous enregistre pour les 50 ans de loyer. Plus vous m'en envoyez, plus vous augmentez vos chances. Vous ruinez pas non plus, laissez faire la chance. Vous êtes des milliers et des milliers à vous inscrire. En tous les cas, là, à 8h20, comme on l'a fait à 7h20, comme on l'a fait à 6h20, un gagnant, c'est comme ça, toutes les heures. On réembrasse Virginie, on réembrasse la Barbate. Déjà 2600 € de loyer offert ce matin. On continue, c'est parti, dernier tirage au sort de la matinée. Il faut décrocher. On vous demande quelle est la seule radio qui vous fait ce beau cadeau. Vous nous dites Virgin Radio, c'est gagné pour vous. Attention. Ça sonne. Allô ? Allô, c'est Kevin, je crois qu'on appelle. Allô ? Oui, bonjour. C'est Kevin ? C'est ça. Salut Kev, comment tu vas ? Ça va, ça va. Ça va, tranquille. Qu'est-ce que tu fais ? Je bois un café. Bois un café ? T'es pas encore au travail ? Oui. T'es au boulot ? Oui, là, j'y vais, là. D'accord. T'es sur la route du boulot, en train de boire un serré, quoi ? Ouais. Eh ben, bon, Kevin, je posais une question. Ne m'engueule pas. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Tonic. Ouais. Ah ben, tu peux leur payer la petite tournée de café, mon pote. Hein. Il est de combien ? Ça, oui. Ah bah ben ouais, il est de combien ton loyer, mon pote ? 400 €. Eh ben 400 €, je te fais un chèque tout de suite de 400 €, ça c'est fait. Et en plus, tu l'as compris, merci. Si vendredi, grâce à ce SMS, hein, ou peut-être tu m'en envoyais d'autres dans la semaine, si grâce à ce SMS t'es tiré au sort, eh ben vendredi, je t'offrirai 50 ans de loyer, à savoir 240 000 euros. Oh là là. Voilà. D'accord mon pote. Ouais. Allez, je te souhaite une belle journée. Oui, merci vous aussi. Des bises, mon pote, et courage pour ta journée. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis ouvrier. Ah ben, faut y aller, mon pote. À 8h22, t'es déjà à la bourre. Je t'embrasse fort. Courage à toi, mon pote, et merci de te réveiller avec le Virgin Tonic chaque matin. Tout de suite, on écoute Gnash. I hate you, I love you sur Virgin. Je t'aime autant que je te déteste. Restez avec nous, bon réveil. Nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Messed around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that. I put this reel out, but you wouldn't bite that. I type a text, but then I never mind that. I got these feelings, but you never mind that. No, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone I watch you watch her. Slowly killing me. I hate you, I love you. I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. Bon réveil à vous tous dans le Virgin Tonic, 8h25. J'espère que tout va très très bien pour vous. Belle matinée hein, à vous. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir déjà commencé depuis bien longtemps. D'autres sont encore en train de déposer les enfants à l'école. En tout cas, nous, on est là chaque jour avec vous, 6h, 9h, avec Laura, avec Clément. Bonjour. Avec la popo Coucou. Du standard au 3916. Et puis sur les réseaux, alors on dit tout avec Ginger. Oui. Et on a lancé un hashtag La vie est plus belle quand. Oui, oui. Et il y a Arnaud qui me dit, et il a bien raison, la vie est plus belle quand. T'as tout juste 1% de batterie et t'arrives chez toi et tu sais que tu le branches à l'instant T. C'est génial. Ouais. C'est des sensations de. Tu te dis, je suis le meilleur du monde, quoi, Clément. Il y a des moments où le 1% de batterie, il te met mal. Il y a des moments où il est pire que d'autres. Et des fois, tu dis, j'ai 1%, c'est pas grave. Mais quand. Ah ouais. Moi, le pire. Je crois que le pire moment pour avoir 1%, c'est quand t'écris à quelqu'un. Tu sais, genre, t'as rendez-vous et tu vois les trois petits points de. Elle est en train de te répondre et pas, ça coupe. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est le pire moment. Quand t'attends le coup de fil pour les 50 ans de loyer que ça coupe. Oh non, horrible, l'angoisse. Vendredi prochain. Chargez les batteries. Hein. Ah oui. Attention, à fond les ballons, hein, les batteries. Hein. Le pire moment pour avoir 1% de batterie, ouais, il y a ça. À un moment, quelqu'un va te répondre, Laure. Non, le pire moment, c'est quand t'es en ligne avec Orange ou un service client depuis une heure pour régler ton problème et qu'au moment de régler ton problème, hop, ça coupe. Ça, moi, je fais toujours maintenant, je les appelle, je dis tout de suite, je dis, faut tel numéro pour me rappeler. Ouais, mais ils rappellent pas en général, hein, Non. Ou quand tu dors pas chez toi et que tu dois mettre un réveil et que t'as plus de batterie. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est insupportable, c'est pas possible, Clément. Ou tu tombes en panne sur le côté, tu dis, j'appelle l'assurance et là, tu fais, bon, et t'es en panne et sans batterie. Oh là là. Ça, c'est pire. C'est pire. C'est horrible. Il y a plein de moments horribles où il y a plein de moments. 1% Pauline au standard. Quand t'as ton e-billet SNCF sur ton portable et que le contrôleur s'approche dans le train et que du coup, t'as envie de lui dire, Je l'ai, j'ai 1% gelé. C'est pas possible non plus. Ah ouais. Mais c'est vrai, ça commence fait maintenant sans portable, ils peuvent même plus te contrôler les billets. Mais si, ils peuvent, ils retrouvent ton nom, ta place, on est suivi. Ah oui. C'est long, Ginger sur les réseaux. Non, c'est avec ta date de naissance, effectivement. Ouais. J'ai eu le tour il y a quelques semaines et heureusement. Bah, Laure est bien embêtée, elle donne jamais la bonne. On va pas retrouver quelle date de naissance elle a donnée. 19 novembre 86, je vois pas. Ouais, je sais pas le problème, vous me retrouvez pas. C'est bizarre. Oui, Laure. Non, j'ai décidé d'assumer mon âge cette année, je vous ai dit. Oui, bonjour, parce que je trouve ça hyper classe. Ouais. Il commence une phrase en disant, écoute, j'ai 40 ans. Ouais, c'est vachement bien. Et oui. Surtout, ça fait genre, j'ai vécu, j'ai forcément raison sur ce que je vais dire, Clément. C'est bien qu'elle assume son âge, parce que du coup, il y a des réductions. C'est pas mal. Ah bon? La carte vermeille. Bien sûr. Arnaud, mon bichon, selon toi, c'est quoi le pire moment pour avoir 1% de batterie sur ton téléphone? Salut, mon pote. Salut, Camille, salut tout le monde. Moi, le pire moment, je suis au salon de l'auto. Et que je peux plus prendre de photos pour montrer les trucs de œufs que j'ai vus pour montrer mes potes qui n'ont pas pu venir. Et ben là, tu vois, je préfère carrément m'en aller parce que j'ai la rage, quoi, en fait. C'est vrai, c'est toujours au moment où on a tous des vies tout à fait normales. Et c'est toujours le moment où il t'arrive un truc de ouf dans ta vie. Tu sais, t'arrives, tu dis non, mais c'est je ne crois pas que je croise Tom Hanks. Je le crois pas. Et mais attendez, on peut prendre une photo et j'ai pas de pile. Ouais. J'ai plus de batterie. T'as presque envie de dire, Tom Hanks, vous pouvez m'envoyer la photo. On a pas que tu l'envoies. Ben non, ça n'arrivera jamais en fait. C'est toujours à ce moment-là que t'as plus de batterie. Quand il y a un truc de dingue qui t'arrive dans ta vie, t'as raison, Ardo. Ah ouais. Ah, je suis déjà dégoûté pour toi. Ça vous est pas arrivé, je suis dégoûté. Odd, bonjour. Salut Camille, salut tout le monde. Bienvenue avec nous au 3916. Odd, est-ce que toi aussi un pire moment selon toi pour avoir 1% de batterie? C'est quand t'arrives chez des potes et que t'es devant le digicode et que tu te dis ah mais c'est quoi le code déjà? Ah oui. Et que t'attends bêtement qu'il y ait quelqu'un qui rentre ou qui sorte de l'appartement, enfin de l'immeuble, et puis tu te la joues en mode furtif, attention, je me glisse, il voit pas, et puis tu passes quand même pour quelqu'un de super suspect que. Bah oui, t'as pas le digicode pour rentrer, c'est horrible. C'est comme quand t'es sur un GPS pour arriver à un endroit avec le GPS coupe. Mais j'ai pire que tout. Quoi? C'est qu'à chaque fois que t'as des potes dans la boîte que tu dois rejoindre et t'as plus de batterie pour les appeler. Ouais. En même temps, t'as aussi toujours tes potes qui disent non, mais viens à telle boîte. Une fois que t'appelles, tu fais ah, mais ça capte pas l'intérieur. Ouais. Je reste devant la boîte pendant 8 ans. Merci, ma petite Odd. Merci, mon petit Arnaud. Merci à vous tous, surtout d'être au standard. On n'a pas le temps de passer tout le monde, mais vraiment un grand merci d'être avec nous chaque matin sur les réseaux, au standard. Derrière votre radio, je vous souhaite un excellent réveil. On va écouter The After We Go Up tout de suite. Et puis, il y a aussi l'actu là maintenant. On revient dans un instant. Il y a encore plein de choses à vous offrir dans l'émission. Bougez pas, on est là jusqu'à 9h. Info Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, nouveau pic de chaleur aujourd'hui sur toute la France, du soleil quasiment partout, ce sera nuageux sur la pointe du Finistère, les températures s'affolent de nouveau, 30 degrés attendus à Laval et Amiens, 32 à Paris, 33 à Lyon et Limoges, jusqu'à 37 degrés dans le sud-ouest. Un dossier épineux sur lequel le gouvernement est attendu au tournant à quelques mois de la présidentielle. La fermeture d'Alstom à Belfort au cœur d'une réunion ce matin à l'Elysée en présence de François Hollande et Manuel Valls. Le gouvernement veut faire pression sur le constructeur ferroviaire qui a annoncé mercredi l'arrêt de sa production de locomotives à Belfort d'ici à 2018. 400 emplois sont menacés. Christiane Taubira, de retour, longue interview ce matin dans le journal Libération. L'ancienne ministre de la Justice annonce qu'elle va s'engager dans la campagne pour l'élection présidentielle. Reste à savoir de quelle manière. Pour Christiane Taubira, la gauche doit se réconcilier et rassembler ses forces pour 2017. C'est sa première visite en France depuis 5 ans. Le Dalai Lama arrive à Paris aujourd'hui où il passera 2 jours avant de se rendre à Strasbourg. Invité par la Fédération du bouddhisme tibétain, le prix Nobel de la paix 1989 doit rencontrer quelques parlementaires membres du groupe Tibet. Aucune autre rencontre politique n'est prévue. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux depuis hier. Hillary Clinton prise d'un malaise à la sortie des commémorations du 11 septembre à New York après plusieurs heures de spéculation sur son état de santé. Son équipe de campagne a finalement annoncé que la candidate à la présidentielle souffrait d'une pneumonie. Ses déplacements ont été annulés. Forte mobilisation des indépendantistes hier en Catalogne. Des centaines de milliers de personnes ont défilé à Barcelone notamment pour réclamer l'accélération du processus de sécession avec l'Espagne. Le projet d'indépendance pourrait aboutir dès l'année prochaine. Le football du grand Balotelli pour son premier match en Ligue 1. L'attaquant italien a réalisé un doublé avec l'OGC Nice hier soir face à Marseille en clôture de la 4e journée. Victoire à 3 buts à 2. Nice s'installe en tête du championnat avec Monaco. Succès hier aussi de Metz et Rennes face à Nantes et Caen. Et demain, place à la première journée de Ligue des Champions. Le PSG tenu en échec par Saint-Etienne un partout vendredi recevra Arsenal au Parc des Princes. En tennis, l'US Open 2016 remporté cette nuit par Stan Wawrinka. Le Suisse de 31 ans s'est imposé en 4-7 face au numéro 1 mondial Novak Djokovic. En double dame, les Françaises Caroline Garcia et Kristina Mladenovic sont passées à côté d'un deuxième titre. Très bon réveil, vous retrouvez Camille Combal. Bonjour et excellent réveil, 8h32, vous êtes dans le Virgin Tonic, c'est lundi, aujourd'hui, courage à vous tous qui êtes en voiture, notamment, je le sais, très nombreux encore en train d'arriver au travail, tout juste après avoir déposé les enfants, peut-être que vous avez regardé la télé un peu trop tard cette nuit. Oui. Le dimanche soir, on en rit, puis on regrette, et puis le matin, vous êtes un peu plus fatigué, non, en tout cas, dès 6h, on est avec vous chaque matin, avec Laure. Salut. Avec Clément. Bonjour. Avec la popo du standard. Coucou. Et lundi, 12 septembre, on n'a pas encore fait les anniversaires. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de deux immenses chanteurs. Oui. Mylène Farmer. Ok. Ah. Je suis il y a ça aussi. Oh, oh, oh. Je connais pas du tout les paroles. Tous les idéaux, les mots. Mais alors un autre chanteur que j'adore, Barry White, les amis. Alors les plus jeunes qui nous écoutent, Barry White, c'est un peu le Ed Sheeran de l'époque, quoi. Un vrai lover. J'adore. Yes, you. Ça c'est beau ça. Ah ouais. Ça me fait penser à la montagne, mais non moi ça. Mais... Ouais, la montagne ça vous gagne. Ah non. Bah c'est la pub pour la montagne ça vous gagne. Ouais, mais ça fait penser à toutes les chansons de Lover. Barry White c'est le meilleur chanteur. Si tu veux choper quelqu'un, tu mets Barry White. Les amis, vous savez ce qu'on fait? 39-16, vous nous appelez pour fêter l'anniversaire de Barry White. Eh bien sachez qu'on va, les amis, vous demandez quelle est votre chanson de Lover au 39-16. Mmh. Okay. Ok. D'accord. Votre chanson de Lover. Celle sur laquelle vous dites, voilà, dès qu'il y a un truc, dès que j'ai envie d'être fleur bleue, c'est cette musique-là qu'il me faut. Le temps qu'on la mette de côté, l'équipe aussi réfléchissait, le temps qu'on mette tout ça de côté. On écoutera The Avener pour le pop rock électro dans un instant. Mais avant tout, bien sûr, 8h35 comme chaque matin, c'est le Réponse à tout. Virgin. Réponse à tout. Clément descend dans la rue, même le week-end, mon Clément, il pose des questions aux enfants. Je leur ai demandé comment il fallait faire pour être chez branché, langage des jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être super branché? Qu'est-ce qu'on entend par branché? À la mode. On s'habille bien. Faut être comme moi. C'est-à-dire? C'est-à-dire branché. Enfin, branché. C'est-à-dire bien habillé, avoir des amis, être gentil. Et surtout, faut être beau gosse. Parce que si on n'est pas beau gosse, ben, on n'est pas branché. Faut être un peu genre connu de tout le monde. Faut avoir une bonne notoriété. Sentir bon, avoir une bonne odeur, une belle coupe. Pour être branché, faut faire quoi? Faut être bien sapé, genre avoir des beaux habits, être genre coordonner ses fringues, genre pas mettre des couleurs qui vont pas ensemble. Faut avoir des amis et faut pas se la péter parce qu'après c'est plus crédible. Réponse à tout. Merci pour toutes vos réponses, les amis. The Avenor, We Go Home. Voilà ce qu'on écoute pour le pop rock électro. Excellent réveil à tous. Virgin Panic. Virgin. Virgin Tonic. Yeah, the radio is on, but the signal is weak. We both know the song way down deep. Doesn't matter if we talk, 'cause talk is cheap. There's so much the eyes say that we don't speak. I know I'm not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know. We both know it's wrong, but we're just dancers. We know the song. We know the answers. So we both sing what we both know. And when the song is over, we go home. I know we're not supposed to think about you. I know, act natural around you. I know I'm not supposed to think you're thirsty rose. Yeah, I know, I know, I know, I know. Oh, oh, oh. Supposed to think you're thirsty rose. I know I'm not supposed to see when my eyes are closed, or run my hand across your skin real slow, or think of how we come together and explode. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song's over, we go home. I know that when the song is over, we go home. À vous tous sur Virgin Radio. Merci d'être là, les copains. C'est lundi. On est là avec vous. On est très, très, très heureux. Courage, hein. 6h, 9h chaque matin avec l'équipe, bien sûr. Oui, avec oui. Vous, au 3916 sur les réseaux aussi. Vous êtes très nombreux à réagir. À réagir, puisqu'on vous demande quelle est votre chanson de lover idéale. Ouais. Oui. La vraie chanson de lover, celle avec laquelle vous savez, bim, le top. Vous savez que c'est là-dessus que ça roule de la pélasse. Oui. Quelle est votre chanson de lover? Alors, l'équipe a répondu. On a mis de côté. Vous êtes aussi nombreux à nous appeler au standard au 3916. Tiens, on va commencer avec Lily par exemple. Salut ma Lily. Salut Camille, salut tout le monde. Salut, salut. Ma belle Lily, tu nous as appelé, tu nous as dit ma chanson de lover à moi, c'est, dis-moi. Alors moi c'est Sexually Healing de Marvin Gaye. Ah ben évidemment. Ah ouais. Ça va être dur de faire mieux. Lily, on commence avec toi. Je vais te dire un truc. T'as mis la barre très très haute. C'est clair. Ça va être on très dur. On parle quand même d'une thérapie bien sympathique dans cette chanson. Ah. On est d'accord. Ah non, mais je suis d'accord. Enfin, je parle pas assez bien anglais pour te comprendre, mais je te fais confiance. En tous les cas, ça va être dur de trouver meilleure chanson de lover. Oui, Laure. J'ai. Meilleure. T'as mieux ? Ouais. Alors Lily, écoute, on va voir si elle a raison. C'est quoi? Pour moi, la classe absolue, c'est Frank Sinatra, Stranger in the Night. D'accord. Tu mets ça. Strangers in the night. C'est la classe, c'est chic. Alors, non, c'est chic. C'est une des choses que j'écoute chez moi. Je trouve que c'est pas du tout l'over. Non. Ah si, bah non. Stranger in the Night. J'ai l'over. Ouais, ça veut dire un étranger dans la nuit. Hein. Ça, fait plus, ça fait plus serial killer que l'over. Hein. Pardon, hein. Stranger in the Night, en général, c'est pas un coup de foudre. Hein. C'est plus des soucis. Hein. Ça pue le fait divers, quand même, son histoire. Hein. Oui, ma petite Pauline au standard. Sinon, Lily vient de me vanner en disant que c'était pour William et Pauline. Ah bah oui. Voilà. Pour à l'époque. Ah bah, Willou, sa fierté, c'est d'avoir serré la main du grand Frank Sinatra. C'était son prof en quatrième. Alors, Stranger in the Night. Alors là, je suis désolé, ma petite Laurette. J'adore le morceau, mais je trouve que c'est pas l'over. I've got you under my skin. Ah ouais, merci à toi. I've got you under my sleep. My sleep. Clément, je crains le pire. Non, j'ai une vraie chanson de lover. Est-ce que tu peux battre Lily? Quelle est ta vraie chanson de lover? Unshine Melody, c'est la BO de Ghost, le film où il est mort, il revient. Ouais. Enfin, ah ouais. Je peux pleurer. C'est magnifique. Je peux pleurer. Ça, c'est la chanson quelle de l'over. Beauté, mais quelle beauté ce morceau. Je t'en rappelle, ma Lily, t'as quel âge? Ah bah là, j'avoue, j'ai 33 ans. 35 ans, ouais, ce film-là, mais c'est magnifique. Oui, Laure. Pour moi, c'est une chanson de rupture, ça. C'est la chanson sur laquelle tu pleures quand tu t'es fait larguer. Mais non, c'est pas tu t'es fait larguer, c'est sûr que si tu veux danser là-dessus. Il y a de grandes chances de te faire larguer et de te retrouver là-dessus. Hein. Ouais. Non, c'est une chanson de lover de quand t'es mort et tu reviens rechercher ta copine. C'est normal. Qu'est-ce que c'est pour toi, mon Xavier, ta chanson de lover? Salut, mon poteau. Salut Camille, salut toute l'équipe. Alors salut. Moi, ma petite chanson de lover, alors c'est un peu particulier, c'est une chanson de Rihanna, c'est la chanson Stay. Cette chanson-là, si tu veux, en fait, j'ai demandé ma femme en mariage dessus, et à chaque fois que j'entends, bah, ça fait trop d'émotions. Cette chanson est merveilleuse pour moi. Ah ouais, il est fort. Voilà, la seule chanson de lover de Rihanna. Quoi. Elle est magnifique. Ça, c'est une vraie chanson de lover. Après, quand tu suis, quand tu la suis sur Instagram, tu sens qu'elle a pas encore retrouvé l'amour. Tu sens qu'elle recherche encore un peu, mais c'est magnifique ça. Ouais. Vous voulez entendre la mienne? Ouais. Vas-y. Lily, Xavier, vous me dites, hein, je vais pas vous battre. Je crois quand même Sexual Healing et Rihanna. Je pense que vous avez choisi les deux meilleurs, les amis. Hein. Moi, c'est Elton John. À l'ancienne. Bah, l'ancienne. Bah, l'autre, elle me sort à l'ancienne. Elle me met Frank Sinatra. Même Frank Sinatra, s'il est encore vivant, il dirait c'est un peu ringue. Hein. Et Elton John, elle me dit à l'ancienne. Ah bah c'est triste, bah ouais, mais c'est love. L'amour, c'est souvent triste. Hein. Trop belle. Ne croyez pas. J'ai pas encore demandé à Pauline du standard sa chanson de lover. Moi, si un mec me la chante. Alors. Non, ma chanson de lover, c'est MC Solar Caroline. Et tu peux remplacer par Pauline, du coup. Et ça, c'est sympa. Ouais, mais c'est pas l'over. C'est sympa. Ben, je suis pas vrai, non. De ta vie, et pique ton cœur. C'est l'over. Bah, c'est l'over. C'est l'over. Pique ton cœur. J'adore cette chanson. Place de trait et pique ton cœur. Ma Pauline. Tu vois, ça marche. Ouais. On va peut-être pas dû finir par ça, là. Je suis en train de me dire, on est quand même passé par ça. Et celle de Coco? Non, mais attends, moi, franchement, je vais te dire un truc, hein. Lily, Xavier. Vraiment, vous avez choisi la meilleure, c'est celle-ci aussi. Vraiment. Celle-là, c'est la mieux. Ouais. Et si vous tombez amoureux d'une personne très âgée en gériatrie, n'hésitez pas. Non, vous a donné vraiment la meilleure chanson. Merci à vous tous d'être avec nous sur Virgin, 8h44. Peut-être que vous nous rejoignez tout juste, on écoute The Strombellas tout de suite. Spirits, bon réveil. Bonjour tout le monde, nous sommes The Strombellas on Virgin Tonic. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I Merci à vous tous dans le Virgin Tonic. Un grand merci de nous avoir choisi. C'est le 12 septembre aujourd'hui. Et oui, c'est déjà lundi. Nouvelle semaine qui démarre. À nos côtés, en tout cas, on l'espère. On est là très heureux chaque matin de vous accompagner. Laure, Clément, oui, bonjour. Pauline, Ginger, coucou, Nico sont là. Oui. Ça tombe bien. J'ai un top 3 à vous faire deviner. Okay. Version famille en or. Bonjour. Eh oui, bonjour famille. Virgin Tonic, comment allez-vous? Super, je suis ravi de vous retrouver face à vous. Attention. La famille technicien aujourd'hui. Eh oui, la famille des techniciens de Virgin. Comment allez-vous, la famille technicien? Nickel, enfin presque quoi. On a des petites galères de pub ce matin, mais ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver. Alors attention, famille technicien, si la famille Virgin Tonic ne trouve pas le résultat, c'est vous qui gagnerez. Attention, je vous demande de retrouver le top 3 selon le magazine Marie France, le top 3 des métiers rêvés par les parents. Pour leurs enfants, quand on est parents, quel métier on rêverait que nos enfants fassent? Je commence avec la maman, Laure. Chirurgien. Allez, je te le mets dans le top 3. On avait médecin. Oh, médecin, chirurgien, bien sûr que ça marche. Clément. Avocat, non, bisous. Ginger. Pilote de ligne. Pas du tout. Okay. Pour les standards. Restaurateur. Bah, non. Pas du tout. Attention, je sens la famille technicien qui commence à se frotter les mains. Attention, réfléchissez à une réponse, hein, famille technicien. Okay. Attention, Nico du bureau, le chef de famille, vous avez droit à une dernière réponse, faut consulter tout le monde. Je pense qu'il y a un piège, c'est peut-être technicien en fait. Non. Banquier, un truc ingénieur. Banquier, ouais. On part sur banquier. Ah, banquier, oh, la raison, Laure. Ouais. Eh bien, non. Seule Laure a trouvé une bonne réponse, mais elle a trouvé la top réponse. C'est numéro 1, médecin. 19% des parents rêvent que leurs enfants deviennent médecins. Mm-hmm. Numéro 2, ingénieur. Ingénieur, 11% des parents. Et vous qui êtes peut-être maman, qui venez de déposer vos enfants à l'école, voilà, qui espérez qu'ils aient une grande carrière. Eh bien, numéro 3, c'est informaticien. Bah, c'est la même chose. Ah bon? Eh oui, je suis ingénieur informaticien. Vous êtes ingénieur informaticien et dans plein d'autres choses. Famille technicien, c'est vous qui gagnez. Bravo. Vous êtes content? Ouais, c'est déjà une belle victoire pour aujourd'hui. Oui.

vous tous, surtout une belle matinée, je le sais, à 9h05, vous tous qui êtes déjà au travail, d'autres sont encore sur la route. En tout cas, merci de démarrer vos journées avec nous. Vous le savez, on termine aux alentours des 9h. Dans un instant, le tout dernier point de l'actu de la matinée, puis le pop rock électro qui vous accompagnera toute la journée. Mais pour le moment, le Virgin Tonic est encore là, au complet. Oui, oui. Avec un beau cadeau dans sa besace. Une semaine à la mer ou à la montagne. Vous qui revenez peut-être tout juste de vacances, vous qui n'avez pas eu de vacances pour cet été, eh bien, on vous l'offre. Cette semaine, pour 4 personnes, tout frais payé. Il suffit de gagner maintenant au 39-16 au Forain Game. C'est le retour, eh oui. C'est le Forain Game, c'est le Forain Game. Allez, attention, les yeux, on lève bien les bras, c'est parti pour 3 minutes de vitesse. Bonjour la Virgin Tony. Jason qui est de retour alors qu'il est dans le parc d'attractions juste à côté. Eh ben oui, tout à fait, avec maman, toujours. Ouais, on s'occupe du parc. Faut expliquer, vous êtes que avec votre mère à gérer tout un parc. Voilà, ma mère joue tout ce qui est technique, tout en fait, et moi je fais l'animation. D'accord, et qui est dans le train fantôme, faire peur aux enfants? Ma mère. Et sans costume. Au naturel, comme on dit. Voilà, tout à fait. Nature peinture. Face à vous aujourd'hui, je vais vous présenter toute l'équipe. Feriel. Bonjour Feriel. Bonjour Camille. Bonjour toute l'équipe. Salut. Bonjour. Ça va ma belle? Bah oui, ça va très bien. Je suis content. Alors t'es célébré plein de fois par jour parce qu'il y a plein de jours fériels. J'adore. Ça va. Merci Jason. Vous venez d'où Feriel? Montmorency. Très bien. Je suis ravi de vous avoir Feriel. Merci. Montmorency, merci. J'avais envie de te vous voir Feriel. J'ai envie de créer un truc entre nous. Attention, ma belle, je vais t'envoyer dans le parc d'attractions de Jason, d'accord? Ok. Il va te poser des questions pendant qu'il anime ses attractions, parce qu'il y a déjà du monde là ce matin. Ah bah là, on a un client qui est arrivé tout à l'heure à 8h20. Ah bah, c'est le premier du week-end, donc faut pas le louper. Ma petite Feria, je te souhaite bonne chance. Si tu as au moins 2 bonnes réponses, ce sera gagné pour toi. Une semaine de vacances. C'est parti. Je veux Jason, Feriel, Jason, je vous laisse tous les deux. Allez, c'est parti, jour Feriel, on y va. Maximum de sensations, vous l'entendez, le King Master is back. Sébastien, back. Allez, qui osera monter dans la fusée du rire et du plaisir? On fait le plein de gasoil, démarrage. Allez, c'est un animateur qui fête son anniversaire aujourd'hui, il a 74 ans. Attention, ça monte, hein. Ça monte. Alors, son jour préféré de la semaine, c'est le dimanche et il le passe dans un grand canapé rouge. Attention, c'est parti, là. Ah, ça perd les perruques là, hein. C'est chico, mamie. Ah, ça va vite, hein. Je l'ai boosté un peu en plus. Ah, ouais, on sent, là. Ah ouais, ça marche bien, hein. Feriel, ma belle, est-ce que tu as reconnu de la personne dont parlait Jason en plein pendant qu'il anime son attraction, il te pose des questions, hein. Oui, c'était Michel Drucker. C'est Michel Drucker, c'est une bonne réponse, Jason. Oh, oui, écoutez, c'est ma mère qui fait la voix. Eh, hey, y a plus la voix en plus. Attention, deuxième extrait, deuxième attraction. Jason le forain anime, je le rappelle, son parc d'attractions. En même temps, il te pose des questions. Feriel, t'as une bonne réponse du cadeau. On y va, c'est parti. Jason, c'est à vous. Allez, on passe côté resto. Bienvenue à l'entrepôte. Le paradis de la farce et du cochon de lait. Je suis à vous dans une seconde, hein, j'arrive. Maman, tu me mets une entrecôte pour la 2, une Regina pour la 7 et un bas de bourguignon pour la 8. Vas-y, champion. Allez, à nous. C'est le jeu le plus attendu de cette rentrée 2016. Attention. Hop là. Maman, le grand marnier, s'il te plaît. 100 fois, c'est pour cuisiner, pas la conso perso, merci. C'est un jeu de foot qui peut énerver plusieurs copines parfois. C'est le 17ème opus. La dame qui a pris le cochon de lait et prier de changer de plat parce qu'on n'a plus de cochon ni de lait. Et le digestif est au père, c'est le petit plus périlionie. Bien sûr. Ma chérie, est-ce que moi je l'ai pas? Peut-être que tu l'as. Est-ce que tu as compris déjà la dernière question de Jason? Enfin, la deuxième. Ah, il y avait une question dedans? Il y avait une question. Moi-même, je l'ai pas senti passer, j'étais sur le cochon de lait. Mais il y avait une question à l'intérieur. Ah, mais moi aussi, complètement. Donc je pense que tu n'auras pas la bonne réponse. C'était quoi, Jason? Eh ben, c'était FIFA 17. On l'offrera dans 2 ans, parce qu'on a toujours 2 ans de retard sur les cadeaux. Exactement. Et on l'offrera, hein, on l'offrera. Alors attention, on y va. Dernière question, Jason. Ce personnage. Jason, on y va pour une dernière question. Je rappelle, on est en plein au milieu de votre parc d'attractions. Feriel, concentre-toi. Comme moi, t'avais même pas entendu la deuxième question. Ah non, mais c'est clair. Mais là, il va y en avoir une, il faut que tu te concentres bien. C'est parti. Ok. Allez, si vous n'avez pas eu de succès en boîte hier, on vient tirer son poire et Jason à la carabine. Une assiette éclatée, c'est la peluche. Deux assiettes, le pain brut. Et trois assiettes, la pocket bike. Allez, c'est parti. Boule. On cherche l'énorme cadeau que Camille va vous offrir vendredi qui arrive. Attention, est-ce qu'il va l'avoir? Oh là là là là, le champion, bien joué Ferial, j'ai touché. Et attention, boule! Il vous paiera pas un mois, pas un an de loyer, pas 10 ans de loyer, mais combien? Attention! Oh là là, et celui-là il a tiré avec le pied, c'est très fort. Attention, dernière boule! Dernier indice, vous ne paierez plus de loyer jusqu'en 2066 si mes calculs sont bons. Attention, et c'est touché, trois assiettes classées, tu gagnes la pocket ball. Maman, maman, on revient. Elle est partie en roue arrière là. Votre mère avait appliqué le piou. Elle a piqué la pocket, elle a fait de la roue arrière souvent le dimanche et là elle est partie là. Elle est partie avec la pocket ball. Feriel, c'est très simple là, comme question. Quelle est la bonne réponse? Pokémon. Non, ça c'est la pocketball. Le cadeau qu'on vous offre vendredi. Ah, les 50 ans de loyer. Mais là, comment tu peux me répondre Pokémon à ça? Mais comment tu peux me répondre Pokémon à le cadeau qu'on vous offre Cassine vendredi? Pas 10 ans, pas 20 ans, pas 50, mais Pokémon. Parce qu'il a parlé de la pocketball. Bah ouais, il a parlé. Mais alors, du coup, j'ai pas capté que c'était ça la question. Je crois vendredi, le 16 à 8h20, je vous offre un Pokémon. C'est un beau cadeau. C'est pour ça qu'on a fait une pub télé. C'est pour ça qu'on a fait un Pokémon. C'est pas n'importe quoi. Bon, matériel, c'est bien sûr 50 ans de loyer, c'est gagné. Bravo! Séjour d'une semaine pour toi dans une résidence Pierre et Vacances de ton choix, à la mer ou à la montagne. C'est pour 4 personnes, ma chérie. Je suis très heureux de te faire ce cadeau. Ah bah merci, je suis très heureuse de le recevoir. Merci beaucoup. Merci à toi, ma belle. Je te fais plein de bisous. Et puis Feriel, alors elle s'est trompée, on vous offre pas un Pokémon vendredi 16, on vous offre bien 50 ans de loyer, soit ce loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Et puis retour des 3 loyers demain dans le Virgin Tonic, évidemment. Jason. Bah bien sûr. Et à 10h, j'ai pris rendez-vous à l'orthophoniste. De prendre des petits cours de conjugaison. Offrera. On vous offrera. En revanche, il dit Hugo Free. Très bizarre, Jason. Les frérons de la Vega, bien sûr. Embrassez votre maman. Hein. Ah, là, vous adore, maman. Vous savez. Ah, vous on est très gars. Heureux de ce qui se passe entre Clément et elle. Ah, franchement, on est très heureux. Vous côtoyez. Ils se côtoient. Les amis, alors on va se retrouver demain, 6h, en direct sur Virgin. Encore une nouvelle aventure grâce à vous qui va s'écrire en direct, bien sûr. C'est la sitcom de la vie. Si vous nous appelez au 3916, vous nous racontez tout ce que vous voulez. Cette émission, c'est la vôtre. Tout l'après-midi, on reste ensemble sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez l'émission en podcast. Vous pouvez aussi participer tout de suite à l'émission en répondant à la question de ouf de demain. Un numéro, un répondeur, 01 84 07 08 09. Et le mardi on chante, donc vous allez chanter du Laurie, ma meilleure amie. On fera un petit montage avec toutes vos chansons et ça va être très sympa, j'en suis sûr. J'en suis sûr aussi. Ma meilleure amie, je serai là. Restez avec nous les amis, c'est parti pour le pop rock électro jusqu'à midi avec Pierre Alex. Un dernier point sur l'actu, c'est important, et nous on se donne rendez-vous demain 6h. À demain tout le monde. Salut, ciao. Salut. Your radio. Pop rock. Electro. Info Virgin Radio avec Cédric Lecor. Bonjour à tous, du soleil pour débuter cette nouvelle semaine, du bleu quasiment partout, ce sera couvert sur la pointe bretonne un lundi marqué par une nouvelle vague de chaleur, jusqu'à 30 degrés attendus au Mans, 31 à Colmar à Dijon, 32 à Paris Aix-en-Provence, jusqu'à 36 du côté de Bordeaux. Réunion de crise autour de François Hollande et Manuel Valls ce matin à l'Elysée sur le dossier Alstom. Le constructeur ferroviaire a annoncé mercredi l'arrêt de sa production de locomotives sur son site de Belfort. 400 emplois sont menacés, un sujet très sensible à quelques mois de la présidentielle. Une nouvelle réforme en vue à l'université. La ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, annonce dans les Échos ce matin une remise à plat du processus de recrutement pour les masters afin que tout titulaire de licence se voit proposer une poursuite d'études en master s'il le souhaite. Réforme qui sera applicable dès la rentrée 2017. La menace terroriste toujours maximale en France. Un ado de 15 ans est entendu depuis hier par les enquêteurs à Levallois-Perret. Soupçonné de pouvoir passer à l'acte, le mineur a été interpellé samedi à Paris. Une arrestation en lien avec un djihadiste français déjà au cœur de l'enquête sur le fameux commando de femmes démantelé la semaine dernière. Les commémorations hier à New York des 15 ans des attentats du 11 septembre. Cérémonie à laquelle assistait Hillary Clinton, la candidate